Donc, sinon, les autres au type de jeux de rôle assez proches hein, de ceux qu'on vient de citer, c'est-à-dire les jeux dont vous êtes les héros, les jeux de rôle solo, puis les jeux expériences de pensée, c'est ce que j'appelle les jeux de rôle sans lutte. On avait expliqué hein, dans notre définition du jeu de rôle tradique, c'était quand même pas mal axé sur la lutte, ou autrement sur ce que Frédéric Saintès appelle la combativité, hein, c'est-à-dire le fait qu'on joue des personnages qui sont en lutte contre leur environnement, et qu'en tant que, en plus de ça, en tant que joueur, on épouse cette lutte, c'est-à-dire que bah, on se bat pour remplir les objectifs du personnage. Et donc, dans les jeux de rôle sans lutte, le premier qui me vient à l'idée, c'est Happy Together. Eh bien, il n'y a pas cette notion de personnage qui se bat contre son environnement. On pourrait appeler ça aussi les jeux de rôle contemplatifs. Hein. Voilà, oui. Alors, c'est le... Alors, et les, je crois, c'est très très compliqué d'avoir un jeu qui soit absolument sans lutte. Hein. Oui, c'est-à-dire sans obstacle ou sans conflit. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, dans Happy Together, les personnages ils ont quand même des objectifs, ils ont une quête à remplir. Bon, Happy Together, c'est un jeu de Gaël Sacré hein, qui vient juste de sortir là, où on joue des personnes ordinaires hein, qui. C'est presque une expérience méditative à plusieurs, quoi. C'est des personnes ordinaires qui vivent une vie plutôt ordinaire quoi avec des effectivement ils ont des quêtes mais c'est plutôt des petites quêtes du genre ah bah tiens comment je suis triste que la boulangerie est fermée elle est fermée depuis un an ah bah je vais la retaper tout puis je vais relancer le commerce peut-être en me faisant des nouvelles sortes de pain et tout. Enfin, tu vois les quêtes de ouf quoi alors Du bon. il peut y avoir un peu de fantastique, mais quand il y a du fantastique, il faut pas que ça impacte le monde de façon excessive, quoi. Donc dans le cas de ma boulangerie, du fantastique, c'est peut-être qu'il y a des petits lutins qui vont m'aider à faire le pain, mais tu vois, c'est pas comment, c'est pas un truc qui va C'est pas complètement, déterminant. non, ça va pas bouleverser la physique de l'univers. Oui, c'est des jeux qui sont censés, on va dire, il y a d'autres jeux aussi comme ça qui sont très, ou du moins le conflit, comment dire, est ramené à quelque chose de beaucoup plus, Voilà. on va dire, Bon, beaucoup plus anecdotique, sans, en tout beaucoup cas plus sans doux, quoi. conséquence, on va dire, pour la santé mentale, on va dire. Non. Puis surtout, bon, dans Happy Together, au pire, t'ouvres pas ta boulangerie. Et encore, si on veut, le jeu, de toute façon, il est construit de façon à ce que tu atteignes forcément ton objectif. C'est juste une question de temps, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des checkpoints à passer pour progresser dans l'objectif. Et bah voilà, tu prends ton temps pour le faire et puis tu vas forcément y arriver, quoi. Donc quelque part, ça aussi, ça invalide la lutte, le fait que entre guillemets, l'accès à enfin, la réussite de la quête, elle est automatique, quoi, en quelque sorte, c'est juste une question de temps. Un autre jeu, c'est Clover de Ben Lehman, où tu joues une petite fille de 5 ans. Là aussi, il y a des épreuves, mais c'est du genre, est-ce que tu vas réussir à traverser le petit ruisseau? Ou est-ce que tu vas réussir à faire un super petit déjeuner pour tes poupées, quoi? Il y a Bon, un ça mouvement va, quand il n'y même a pas des enjeux de en ouf, ce quoi. moment de ces jeux qu'on peut appeler, enfin moi ce que j'appelle un peu feel good. Oui. Voilà, Golden Sky Stories où tu joues justement des animaux, on va dire, enfin des esprits animaux d'une certaine manière qui viennent en aide justement à des gens dans un petit village, une petite ville japonaise. Ouais, Voilà, et donc le but, très. c'est Ouais, de. très proche de ça, on a Yokai Voilà. de Café Okidam, je pense que c'est quasiment le même pitch. Oui. Donc voilà, les objectifs sont voilà, de faire traverser la grand-mère, de ramener le petit enfant perdu chez lui. Moi Et. j'écris un. Excuse-moi, Non, non, vas-y, non, poursuis. vas-y, continue. J'ai écrit un jeu qui s'appelle Ho Oponopono, et le pire, c'est enfin, je le trouve tellement. Comment. Impactant au niveau émotionnel que j'ai jamais eu le courage de playtester. Dans Ho'oponopono, on joue les membres d'une famille hawaïenne, une famille tribale. Et en fait, la maladie touche la famille, quoi. Donc chacun doit raconter dans un premier temps comment il est impacté par la maladie. Alors il y a peut-être qu'une personne, si tu veux, dans la famille qui est malade, mais en fait ça impacte quand même le fonctionnement de toute la famille, quoi. Et en fait, une fois qu'on a vu ça, comment la famille suit un rituel de guérison. C'est un rituel collectif, en fait. Voilà, c'est quand il y a une maladie dans la famille, il faut soigner toute la famille d'un coup. Et donc le rituel collectif, c'est chacun son tour en fait, par le biais de ton, comment chaque personnage en fait doit dire à un autre personnage de la famille, il doit lui dire qu'il l'aime et il doit expliquer pourquoi il l'aime. Et ensuite, il doit dire à un autre personnage ou même, enfin, il doit lui dire merci et il doit lui dire pourquoi il le remercie, enfin pourquoi il a de la gratitude envers lui. Ensuite, tu dois te tourner encore vers un autre personnage et dire que tu es désolé et dire pourquoi tu es désolé en fait, de quelle faute, quel tort tu penses avoir fait à la personne et pourquoi quoi. Et puis pour finir, tu tournes encore vers un autre personnage et tu lui demandes pardon, en fait, tu lui dis pardon. Et t'expliques aussi pourquoi, pour quelque chose tu demandes pardon, quoi. Et C'est donc, vrai que c'est comme ça, on fait tout ça en rond, quoi. un concept qui est assez original, mais c'est vrai que ça fait un peu thérapie familiale quand même. Bah, en fait, si tu veux, c'est le Ho'oponopono, c'est un véritable rituel de guérison hawaïen. Bon, là, j'ai utilisé une version qui a été simplifiée, entre guillemets, à destination des Occidentaux, parce que le vrai rituel, il est un peu plus complexe que ça. Effectivement, l'idée que après l'idée c'est qu'on le fait via des personnages, donc en fait on va inventer des choses de toutes pièces, quoi. T'es pas obligé de le jouer en famille, mais l'idée c'est que c'est quand même c'est quelque chose d'assez chargé émotionnellement, un petit peu comme dans C'est ça De mauvais implique quand rêves de même Julien. beaucoup, je pense, de sa personne. Voilà. Mais ça reste du feel good, quoi. Entre guillemets, quoi. Au final. Et dans Ho'oponopono, si tu veux, c'est pareil, la guérison de la famille, elle est garantie d'office. C'est juste une question de temps, en fait, du moment que tout le monde se plie, entre guillemets, aux contraintes du jeu. Bon, bah, de toute façon, la guérison, elle est acquise. Donc, on peut aussi parler de jeu de rôle sans lutte, malgré le fait que, tu vois, si tu veux, quelque part, les personnages. On pourrait dire que les personnages luttent, eux, contre la maladie. Mais nous, en tant que joueurs, on sait que c'est acquis, quoi. Alors, je pense que la notion de combativité, telle qu'elle est présentée par Frédéric Saintès, est quand même relativement encore défendue, mais on fait quand même un gros pas de côté par rapport à la combativité. À côté de ça, on a ce qu'on appelle les jeux poèmes, qui sont assez proches, hein, des jeux expériences de pensée, hein, qui sont des. Alors le pire c'est que j'ai. Alors là c'est pareil. Si vous nous écoutez dans les commentaires, moi je veux bien que vous nous donniez, fassiez un peu plus découvrir les jeux poèmes parce que c'est pas les choses que je connais le mieux. C'est Mais vrai que là, grosso modo. m'en vient pas l'idée. Parce que bon, qu'est-ce que toi tu appelles jeu poème, justement, c'est Alors, plutôt sur les jeux le. poèmes, c'est surtout des jeux de rôle norvégiens, en fait. Et comment c'est des jeux très courts, souvent sans mécanique, tu vois, il n'y a pas de chiffres, pas de. Enfin, je reviens, ça nous ramène aux jeux, les jeux freeform que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Donc, c'est très abstrait, il n'y a pas de jet de dés, de chiffres, tout ça. Et c'est proche de l'expérience de pensée à plusieurs. Alors là, je vais en inventer un sur le fil parce que j'ai pas d'exemple concret qui me vient, mais ça peut être par exemple. Vous promenez en forêt et puis vous imaginez qu'il y a des lucioles, des êtres merveilleux qui vous parlent. Sans doute Coyote Won't Talk est assez proche de ce qu'on pourrait nommer un jeu poème. Dans Coyote Won't Talk, on porte des masques d'animaux. Et en fait, on joue les animaux qui ont survécu après la disparition de l'homme. Et donc, chaque animal va raconter en fait ce qu'il savait des hommes, quoi. Et donc, je crois qu'il y a il y a le chien qui dit toujours, il y a le chat qui n'aimait pas les hommes, donc il va raconter avec ce biais-là, le chien qui aimait les hommes. Donc lui va raconter plutôt des souvenirs émus des hommes. Il y a le renard qui ment en fait, donc il va raconter des choses mensongères. Et puis il y a le coyote qui ne parlera pas. Voilà, c'est tu vois, on est très proche de l'idée de raconter une histoire au feu de camp, quoi. Il n'y a pas vraiment l'idée d'action parce que finalement on se rend compte on joue des personnages qui racontent quelque chose qui s'est passé avant, tu vois. Donc on est vraiment, ouais, on est vraiment à se dérouter de l'idée d'action. Et pour donner un dernier exemple, alors c'est pas un jeu poème, c'est plutôt un jeu de rôle sans lutte. Remarque, j'en aurais deux, quoi. Moi, je tape dans mes publications perso, tant pis, hein. Dans Dragonfly Motel, il n'y a pas de lutte dans le sens où, même si les personnages peuvent avoir des objectifs à défendre, en fait, d'une scène sur l'autre, on n'est pas obligé d'être cohérent. Donc, je peux très bien dire que, mettons que je veuille tuer une personne, c'est mon objectif. Je peux très bien la tuer dans une scène et puis que on déclare que la victime est ressuscitée dans la suivante, tu vois. Je peux rejouer la même scène trois fois de suite où une fois j'arrive à le tuer, une fois j'y renonce, une fois c'est lui qui me tue. En fait, on s'en fout un peu de l'objectif du personnage. On joue plutôt sur quelque chose de très esthétique. Sur une expérience Voilà, personnelle exactement. qu'on essaye de partager. Ouais, tout à fait. Bon, et ça se rapproche de la poésie, quoi. Au début, d'ailleurs, dans sa première édition, je l'avais appelé un jeu poème, et puis on m'a fait dire qu'en termes de gameplay, ce que je proposais, c'était pas du tout du jeu poème. Donc, du coup, j'ai mis un jeu mirage. Ça veut rien dire, mais bon, c'était une façon de dire, quoi. On est quelque chose de très évanescent, comme narration, comme fiction, quoi. C'est une fiction qui tient pas debout, quoi. Et du coup, qui rend toute lutte impossible. Et puis, sinon, il y a le témoignage. Donc, dans le témoignage, on joue des personnes qui sont confrontées à une beauté, une horreur, ou un mystère qui les dépasse. Et donc, là, si tu veux, les personnages peuvent être en lutte face avec le phénomène auquel ils sont confrontés. Mais c'est acté dès le départ qu'ils vont être dépassés par le phénomène. Et donc, si tu veux, tu peux jouer la lutte du personnage, mais toi, en tant que joueur, tu sais que c'est foutu d'avance, quoi. Donc, finalement, tu fais encore un pas de côté et tu vas plutôt regarder le personnage se débattre plutôt que de vraiment essayer de le faire gagner, quoi. Donc c'est fait pour jouer une partie du canon Lovecraftien où justement on sait que c'est foutu d'avance quoi. Bon, c'est pas toutes les nouvelles de Lovecraft, mais il y en a quand même pas mal où tu sais dès le départ que c'est mal barré quoi. Tu peux jouer des choses un mystère qui nous dépasse et tu peux jouer de ces certains films d'enquête où en fait on sait bien que l'enquête n'aboutira pas quoi. Ouais. Comme le film Zodiac de David Fincher, hein, où il poursuit un serial killer qui leur échappe complètement. Et donc du coup, déjà là, on revoit quand même beaucoup les paradigmes du jeu de rôle traditionnel, quoi. Hein, c'est mine de rien, on fait vraiment un gros pas de côté. Et la question rituelle, c'est à quoi ça peut nous servir cette expérience-là dans les jeux de rôle tradis? Je dirais dans un premier temps, c'est que tout comme les jeux de rôle solo, les jeux dont vous êtes le héros, et puis tout ce qui est jeux méta et jeux de rôle sans règles, ça peut être utilisé, et puis même tous les jeux forgiens très axés one-shot qu'on a vu précédemment. Ça peut être utilisé en fait comme interpartie. Le but, c'est de surprendre, de diversifier les expériences de jeu et Voilà, donc de voilà. Au milieu d'une campagne, tu vas rester avec les mêmes personnages, le même univers, mais tu vas effectivement changer, tu vas utiliser les règles d'un de ces jeux-là pour apporter effectivement une expérience particulière, quoi. Pour jouer par exemple justement des scènes oniriques Ouais. des scènes on va dire je dirais lynchiennes éminemment c'est vrai que ça peut être intéressant sur les certains jeux de on va dire d'horreur contemporain. Et si tu veux, le fait que ces jeux-là, soit ils n'utilisent pas de chiffres ou de carac et compagnie, soit quand ils en utilisent, c'est sur des comment sur des critères très différents du jeu de rôle traditionnel. Par exemple, My Life Master, tes caractéristiques, je crois que c'est l'amour, l'espoir et le dégoût de soi. Si tu veux, c'est quelque chose que tu peux pas retranscrire sur une feuille de perso tradie, quoi. Enfin, sur la plupart, quoi. Après, un jeu de rôle comme Lyssen, c'est du tradie. Il y a une jauge de sensibilité, hein, mais bon, on commence même. Bon, Lyssen, ça commence à être un peu à part, quoi. Des caractéristiques qui sont quand même assez rares, Voilà. l'amour encore. Ouais. Et donc, où est-ce que je veux en venir, en fait? C'est que tu peux faire un break avec ces jeux-là. Et ça va évidemment impacter le personnage en termes de vécu. Mais si tu veux, sur la feuille de personnage, ça va rester neutre. Bon, sauf si on a acté que le personnage, si tu veux, il est mort ou qu'il a perdu un bras, quoi. Mais, sauf des trucs aussi extrêmes, la feuille de personnage reste neutre. Donc, t'as pas le risque, si tu veux, de faire dérailler le perso parce que tu as fait ce break-là avec des règles dans d'autres jeux, quoi. Je sais pas si je suis clair. Pas de souci. Ouais. Tu verrais, toi, d'autres usages de ces jeux-là. Bon, après, c'est toujours. On avait vu le Grum, enfin, qu'utilisait des techniques de partage de narration un peu nouvelles, mais qui les ramène dans des jeux assez classiques comme Oltre ou Dragon de Poche. Je pense que oui, après c'est beaucoup de feeling quand même, hein. Je pense que ça vaut le coup de connaître justement ces mécaniques et ces, on va dire, ces jeux qui proposent des expériences différentes, justement, en effet, pour les ramener dans des scènes ponctuelles permettront de faire varier, on va dire, on va dire, oui, l'expérience narrative et les Alors, modalités surtout. ouais, comme tu le dis dans les scènes ponctuelles, c'est intéressant que tu dises ça si tu veux, parce que c'est quelque chose que tu peux utiliser de fa... Donc j'avais parlé d'interpartie, mais c'est vrai que c'est aussi tout un panel de techniques que tu peux utiliser juste pour une scène, quoi. Je vais donner un exemple. Donc moi j'ai un jeu qui s'appelle Inforenza Minima, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, qui se joue. Comment les mécaniques, pour faire très simple, c'est si le personnage veut faire quelque chose d'important, eh bien il y a un prix à payer. Tu vois, il y a la loi magique de l'univers Voilà. qu'il faut forcément payer un prix, quoi. Eh bien ça, en fait, tu peux le patcher au-dessus des règles au-dessus de règles traditionnelles très facilement, quoi. Du coup, en fait, au milieu d'une partie traditionnelle, tu peux dire, ah oui, mais si tu veux réussir à faire ça, je te préviens, il y aura tel prix ou telle conséquence, quoi. C'est très facile à faire, quoi. Et donc, ça permet d'amener une dynamique, tu vois, d'importer une dynamique. Généralement, quand j'importe le prix à payer d'Inforenza Minima, ça me permet d'amener de la dureté, du dilemme dans une partie plus traditionnelle, quoi. Manque souvent, c'est vrai que c'est ce concept de, justement de donner quelque chose, de donner d'une ressource, hein, du personnage qui est soit chiffré, soit on va dire plus défini, plus on va dire par quelque chose de plus intangible, mais qui a quand même une importance, on va dire, Bah, ne serait-ce dans que le jeu. son équipement ou sa liste de contacts, des choses comme ça. Voilà. Et ça peut être des choses plus ou moins tangibles, mais qui ont de l'importance pour le personnage et le fait de les sacrifier, ça va permettre justement de le voir évoluer. Voilà, donc et puis je pense aussi que notamment l'expérience des systèmes légers, ça va te permettre quand tu es en jeu de rôle traditionnel, par certains moments, à certains moments en fait, de jeter moins les dés. Parce que tu sais un peu plus gérer des scènes en narratif, quoi. Oui, certains joueurs justement de jeux de rôle plus classiques ont besoin de ça, enfin de s'y habituer, parce que c'est vrai que sinon le recours systématique au dé pour gérer une action est devenu un peu un mauvais réflexe. Ouais, c'est ça. Ça peut être une espèce de mème hein, du jeu de rôle traditionnel. Bah, tu commandes une bière, allez, vas-y, jette un dé. Tu peux ouvrir une porte, jette un dé et tout. Et la partie n'est qu'une longue suite de jets de crochetage et compagnie, quoi. Donc souvent les jeux à système léger s'arrangent pour réduire beaucoup ça, quoi. Voilà, tout comme d'ailleurs aussi le mouvement old school qui revient plus, on va dire, aux capacités des joueurs à décrire leur action plutôt Parce qu'en fait, le mouvement old qu'à school, charger c'est de un jeu à compétences. système léger, si on veut, quoi. Parce que comme tu vois dans Original Donjons et Dragons, il n'y a pas de compétences. Voilà. Donc. N'y a pas de compétences, donc du coup, si tu veux ouvrir, si tu veux crocheter une porte, soit ça se gère en narratif, t'expliques comment t'y prends, ou sinon, en fait, c'est ton équipement qui te sert de compétence. C'est-à-dire, bah, écoute, t'as un kit de crochetage, tu peux crocheter la porte, on fait pas de jet de dés, quoi. Pour l'exemple du crochetage, il y a quand même une compétence à pourcentage qui existe. Mais bon, d'autres Alors actions. oui, mais en fait ça apparaît. En fait après c'est pareil au D&D. Oui, mais tu peux décider du coup là on s'éloigne. Ça peut être une entre guillemets du old school renaissance, c'est-à-dire on s'éloigne un peu du old school. Tu peux décider finalement de virer la compétence crochetage, dis juste il faut le kit de crochetage quoi. Mais du coup t'as pas intérêt à le perdre. Et puis le kit de crochetage, il peut avoir avec un jeu comme Maketo Monsters, par exemple, de Eric Niedan, ton kit de crochetage, il a une capacité d'usure, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu t'en sers, tu prends le risque de le détruire, quoi. C'est plus, on va dire, surtout en tout cas dans le old school, c'est pour et simplement désamorcer, on va dire, des pièges ou des. Bon, il y a une compétence aussi pour désamorcer, pour détecter les pièges, mais pas forcément pour le désamorcer. Et là, ça fait souvent appel, on va dire, à l'intelligence du joueur Ouais, tout à fait. pour Ouais, résoudre une énigme, en fait, d'une certaine manière. tout à fait. Tu fais bien de relever. Hein. Parce qu'à chaque fois, c'est une énigme, on va dire, moins mécanique ou on va dire, plus intellectuelle à résoudre pour le joueur. Où là, concrètement, il peut pas dire, bah, je vais faire un jet de compétences pour résoudre l'énigme. Non, voilà. Là, c'est des capacités de joueur qui vont être utilisées. Ouais. Donc sinon, d'autres types de jeux de rôle, en fait, c'était les jeux de rôle sans fantastique, et on pourrait aussi parler de jeux de rôle naturaliste. Donc là, je renverrai à une émission de Radio Rôliste avec qui était animée par Guylaine Lemignot, où elle avait fait un dossier justement sur les jeux de rôle sans fantastique, où elle constatait, si on veut, que le surnaturel ou la super science hein, dans le cadre des jeux SF hein, comment là, grosso modo était quand même très très présent dans les JDR tradis et que on pouvait essayer de s'en passer et voir ce que ça enfin que ça changeait en fait dans la façon de jouer quoi. Donc après dans les jeux fantastiques tu avais cité à bon escient James Bond. Encore que quand on voit l'importance des gadgets dans James Bond, on peut se demander à quel point James Bond n'aurait pas, entre guillemets, une batterie de pouvoir magique à D'une son. certaine manière, si, c'est ça. Hein. C'est voilà, c'est comment résoudre un problème actuel dont on sait de toute façon que quand on lui donne le gadget, il va lui servir en plus dans le film, quoi. Donc le principe du fusil de Tchekhov, c'est si on lui donne le gadget, c'est que c'est sûr de toute façon que ça va lui servir un jour à résoudre Oui, puis un moment. c'est en plus de ça, si tu veux, les gadgets de James Bond, Enfin, par exemple, je sais plus dans quel James Bond, il a quand même une voiture invisible, quoi. Bon, après, c'est entre guillemets, c'est de l'anticipation parce que les voitures invisibles, on y arrive, quoi. Ouais, ce sera peut-être, je me sens qu'il y a quand même deux, trois prototypes qui ont été faits par l'armée, quoi. Mais bon, quand même, au moment où James Bond sort, c'est vraiment de la SF, quoi. On peut se dire quand même qu'il y a quand même pas mal de, il y a pas entre guillemets, il y a pas mal de magie dans James Bond. D'ailleurs, ce que j'avais apprécié avec la nouvelle génération, enfin ceux avec Daniel Craig. Après, bon, j'ai pas suivi jusqu'au bout, mais c'est que je trouvais que les gadgets, ils avaient un peu dégonflé les gadgets. Voilà, oui, non, c'est on était revenu à quelque chose de plus humain quelque part, mais Ouais, beaucoup plus voilà, aussi, ouais. beaucoup plus violent, beaucoup plus impactant aussi, parce que bah là c'était la violence Force. brute, comment dire, qui primait Ouais, plus que voilà, c'était le un peu plus badass, quoi. voilà. Et du coup, tu vois, ça donne un intérêt d'enlever du fantastique, en fait. C'est que finalement, ça rend un peu de badassitude au jeu, quoi. Et tout le monde aime quand c'est badass. Et puis, ça oblige, si tu veux, les personnages à, entre guillemets, développer comment à développer des stratégies différentes. Bon, si je mène une enquête à L5R, je vais aller demander au Camille. Si je fais la même enquête dans Magistrat et Manigance, ou de mémoire, je pense pas qu'il y ait beaucoup de fantastique. Non, le fantastique est justement mis Voilà, vraiment. ben, il faut que je fasse autrement, hein. Si tu veux, au niveau des témoignages, je peux pas demander à la rivière si elle a vu passer quelqu'un, quoi. Voilà, le seul problème en plus, c'est KL5R, c'est spécifique. Les esprits, on va dire, ne sont pas tenus comme des témoignages acceptables devant une cour. Donc en Ouais, on est plus, ça d'accord. pose des Enfin, de toute façon, il y a problèmes, plein de. Oui, des problèmes, des autres mais problèmes. tout comme dans L5R, à la rigueur, tu fais un témoigner à un Aïmine ou un. Comment il s'appelle ou un État. Oui, voilà. C'est pareil, leur témoignage, il vaut rien, Ça. mais ça t'apporte quand même des informations. Toi, après, charge à toi de les faire corroborer par des témoignages un peu plus. Évidemment, De c'est personnes des plus éléments qui éminentes, mais. permettent de faire avancer l'intrigue. Mais bon, il en reste moins qu'il y a des problèmes, on va dire, légaux et qui Ouais. ne simplifient malgré tout, ça simplifie, on va dire, le jeu de l'enquête, quoi. Mais disons qu'il y a plein de. Si je prends un jeu plus récent, par exemple Black Sad, bon, hormis le fait qu'on joue des animaux, mais Non. Black Sad, il n'y a pas de fantastique du tout, quoi. Mais le fait que ce sont des animaux, enfin, qu'on joue des animaux anthropomorphes. Ouais, mais bon, je rentre pas ça dans le fantastique parce que bon, Oui, ça c'est vrai que change c'est absolument rien, séparé. quoi. Et du coup, C'est d'un pour moi, point de vue, on va dire. on joue pas la même chose, on joue pas le même polar à Black Sad qu'on joue à Eliwood, où dans Eliwood, il y a des démons et il y a quand même y a une certaine forme de magie, quoi. D'ailleurs, je sais qu'à Eliwood, du coup, j'avais été impacté par le podcast de Guylaine, et donc quand on a joué à Eliwood. Avec Guylaine d'ailleurs, il se trouve. Ce que j'ai fait, c'est que les démons, je les ai un peu dégonflés, quoi. C'est-à-dire qu'en termes d'apparence, en fait, j'aurais donné une apparence totalement humaine, quoi. Bon, à part y a les possédés qui sont, bon, c'est quand même censé être des morts-vivants, donc. Mais bon, même eux, tu vois, je les ai un peu dégonflés parce que quand tu vois les dessins des possédés dans Hollywood. C'est très très clair qu'ils sont pas humains, quoi. Tandis que je trouvais que ça donnait une ambiance sympa, en fait. Le fait que les démons aient une apparence humaine, quoi. On sait que c'est des démons, mais bon, finalement, à part certains signes distinctifs, mais que n'importe quel humain pourrait avoir, eh bien, tu les distingues pas, quoi, des humains, quoi. De même, on a Te Deum pour un massacre. De Jaworski, la seule magie qu'il y a, c'est que tu es censé avoir un ange gardien, mais en fait, ça va juste traduire par des bonus ou des malus, quoi, ou dés, quoi. Entre guillemets, ça va un peu influer sur ton destin, mais ça n'a pas beaucoup plus d'impact que si, par exemple, tu avais des points de destin ou des points de chance, quoi. Donc, je pense qu'on peut largement dire que Te Deum pour un massacre est un jeu sans fantastique. Ah oui, c'est vrai que c'est aussi un mouvement d'une certaine manière de gens qui plaident justement pour jouer des jeux de rôle sans fantastique, qui trouvent justement que Dans le jeu de rôle tradit, c'est vrai que c'est, on ça fait un peu partie aussi de notre définition. Le fantastique est un peu une composante incontournable d'une certaine manière. Et aussi, je pense, je voulais passer C'est au très dur de naturel. trouver. Ouais. Très dur de trouver des jeux de rôle sans fantastique. Ouais. Bah déjà parce que quand tu enlèves le fantastique, je pense que tu te coupes un petit peu de la dimension jeu d'évasion, quoi. Hein. Voilà. Surtout si après tu passes du jeu sans fantastique au jeu naturaliste. Je vais prendre un exemple. Il me semble que White Lies du Grumpf. Bon, ça reste du jeu d'aventure parce qu'on joue des espions. Enfin, Ouais. c'est pas un jeu du Grumpf, c'est une traduction par le Grumpf. Mais comment? C'est un jeu d'espions qui utilise les règles de Donjons et Dragons. Enfin, si utilise les règles d'un rétroclone, mais bon, c'est quand même Voilà, ça. la white box, comme il Ouais, là. l'appelle. Ouais. Et donc, il me semble qu'il n'y a pas de fantastique, ni même de, je crois pas qu'il y ait des gadgets, il n'y a pas de gadgets. C'est quand même fait pour faire des trucs, C'est fait pour faire de l'espionnage très, très, on va dire, pur et dur, livresque, en ouais, partie. voilà, ouais. Alors, je pense que ça va de choses comme les Tom Clancy, ou à des choses un peu plus, comment, un peu plus psychologiques et entre guillemets. Rats de terre comme Syriana ou les comment Z, je pense que tu peux jouer Z de Costa Gavras. Alors bon, ça se trouve, je suis en train La maison Russie. ouais, voilà, ouais. Bref, on va dire des romans d'espionnage réalistes, quoi. Ouais, voilà, je pense que tu peux jouer Munich, des choses comme ça aussi avec Plus que naturaliste, c'est plus réaliste. Parce que dans le réaliste, ouais. naturaliste, Alors, je vois plus, on va naturaliste, dire, ça pourrait être par exemple Black Sad. Alors, Black Sad n'est pas naturaliste, hein, justement. Black Sad, tu joues quand même du polar noir, ça fait penser un petit peu à Chandler et compagnie, quoi. C'est pas tellement naturaliste parce que, bon, toute la figure du détective hard-boiled et tout, c'est quand même très un peu c'est très romanesque, hein, entre guillemets, quoi, d'une certaine façon, quoi. C'est pas parce que les personnages se prennent des coups que c'est naturaliste. Mais si on prend un polar naturaliste, ça va être Maigret, quoi. Oui, plus. Mec qui se balade avec sa pipe, qui contemple la misère humaine. Bon, voilà, quoi. Et c'est voilà, c'est de Où il n'y a pas l'enquête forcément de d'action terrain. échevelée, ouais, en quête de terrain, quoi. Ils sont Alors, pas comme les experts sur leur ordinateur à ah, essayer de faire parler puis leur base. les experts, c'est pareil, hein, la technologie qu'ils utilisent, on est quand même à la limite de la magie, hein. Presque, oui. Tu vois qu'ils arrivent à faire certaines, enfin, ouais, je vais dire expérience, mais certaines, enfin, à faire parler leur indice en 24 heures chrono, alors que pour certains, on sait très bien qu'il faut plusieurs jours. Voilà, quoi. Mais bon, on est tenu par une contrainte, on va dire, de temps par rapport au déroulement de l'épisode. Donc, Oui, évidemment, puis en ils plus, analysent, voilà, il y a ils un truc analysent dans les certains experts qui trucs. me fait toujours beaucoup rire, c'est quand ils inspectent une bagnole, il n'y a toujours qu'un cheveu dedans, tu vois. Il y a un seul cheveu dans la bagnole et évidemment, c'est le cheveu du coupable, quoi. Alors bon, il faut pas qu'ils aient inspecté ma bagnole, hein, parce qu'ils vont trouver à peu près 50 ADN différents et pas que des humains, quoi. Quand on parlait de jeu de rôle naturaliste, moi je pensais, comment dire, à Quill, le jeu de rôle où justement, déjà en plus un jeu de rôle solo. Où le but en fait c'est d'écrire une lettre justement et de faire en fait justement de son expérience personnelle, donc ça se rapproche aussi du jeu de rôle poème d'une certaine manière, on va dire voilà, les seules caractéristiques de son personnage c'est savoir écrire une belle lettre d'une certaine manière, et en plus voilà, Tu me redis le nom du jeu? un jeu qui a été traduit par la Caravelle il y a quelques mois. Ok. Où Faudra que là, tu m'enverras le lien, hein, qu'on puisse le donner au public. pas de souci. Et donc là, justement, c'est une expérience vraiment naturaliste dans le sens, on va dire, littéraire du mot, puisque le but, évidemment, ouais, voilà, c'est d'écrire, on va dire, une lettre à une personne sur le sujet réellement de ton choix. Mais vraiment, l'objectif, on va dire, c'est d'écrire une belle lettre, vraiment comme on en faisait, je veux dire, au 19e siècle. D'émuler en fait l'expérience épistolaire quoi, d'une certaine manière. Ouais. Donc là on rentre plus, on va dire, dans quelque chose voilà qui se rapproche du roman de Balzac, de Zola, où donc voilà les gens entretenaient justement des correspondances comme cela sur les choses de l'existence, de la vie, et partageaient leurs idées. Bah, sinon, je cite souvent, il y a The Curse de Lizzie Stark, où je joue une femme atteinte du cancer du sein. Et puis, il y a un jeu que citent souvent les aventureux, dont malheureusement, j'oublie le nom. Je crois que c'est 30 Days, un truc comme ça, mais je vais pas m'avancer trop. Un jeu où tu joues une personne atteinte de migraine. Oui, j'en ai entendu parler. Je savais plus qui voilà, s'appelait comme ça. T'as, grosso modo, tu as une liste d'actions à faire dans la semaine, quoi. Et puis, évidemment, tu vas devoir, je crois, tu vas devoir un petit peu aménager ton emploi du temps en fonction de tes crises de migraine. ouais. Un petit peu les. Un genre de jeu qui, personnellement, on va dire, ne m'attire pas, franchement, puisque moi, je fais du GN en ce qui concerne la migraine. ouais. Donc, concrètement, c'est vrai que c'est un concept, déjà, le jeu de rôle, on va dire. C'est un jeu qui est censé te faire expérimenter ça aux personnes, entre guillemets, non migraineuses, pour qu'elles aient une idée un petit peu de ce que vivent les personnes qui ont la migraine, quoi. Oui, disons que pour la migraine, on va dire, ça me choque moins, pour le cancer du sein, plus quand même. Parce que c'est vraiment très. Voilà, là, on touche à des choses qui sont quand même. Très intimes, hein, ouais. Voilà, beaucoup plus intimes, ouais, et surtout, on va dire, avec des conséquences. Sont, je pense, trop graves pour que même on puisse en faire un jeu, même si c'est, on va dire, pour. Bah, je crois qu'à la rigueur, si tu veux, je pense que de toute façon, quand tu joues à ces jeux-là, ça s'appelle jeu de rôle parce que tu joues un rôle, mais c'est pas un jeu, quoi. Tu vois, c'est pas un jeu dans le sens. Effectivement, tu pratiques le jeu, c'est pas pour jouer, quoi. C'est pour expérimenter quelque chose, quoi. Tu le fais de façon sérieuse, qu'on pourrait presque, on pourrait presque dire que c'est des serious games, quoi. Voilà. Oui, c'est le mot jeu, en fait. Enfin, j'aurais du mal à appeler ça serious game dans le sens où. Ce qui est particulier, je trouve, c'est que en fait, pour moi, les serious games, c'est quelque chose qui est forcément amené par une institution ou qu'on va te faire découvrir dans le cadre, voilà, d'une institution. Tandis que là, c'est quand même des jeux, ça va être une démarche personnelle, quoi. C'est des jeux que tu peux acheter. C'est une démarche personnelle de t'y intéresser, quoi. C'est entre guillemets les fans de jeux expérimentaux qui vont tester ça une soirée au lieu de, ah bah tiens, au lieu de faire un My Life Remaster ou un Polaris, bah tiens, on va jouer à avoir la migraine, quoi. Ah ouais, là tu vois, c'est, je crois que c'est vrai que tu n'y joues pas pour le fun ou alors c'est vraiment ce que Nicole Lazzaro appelle du serious fun, quoi. C'est plus le plaisir d'apprendre quelque chose sur une situation qui t'est étrangère, quoi, plutôt que le plaisir de, voilà, de jouer, de s'amuser, essayer de challenger un objectif ou des choses comme ça, quoi. Mais là, c'est vraiment, on va dire, on atteint, je pense, les jeux qui sont les, enfin, les jeux entre guillemets, même que le terme jeu est, comme je disais, est assez galvaudé dans ce genre de cas. Ouais. S'éloigne trop du jeu de rôle traditionnel pour, on va dire, ça en soit, quoi, d'une certaine manière, enfin, que ça puisse. Ah bah, avoir, là, de toute façon, là, on les présente comme non traditionnels, bien sûr. Non, mais pour que ça puisse, on va dire, pour moi, c'est vraiment autre chose. Ouais. D'accord. Faire les liens, ouais. Je pense, d'ailleurs, si on en arrive justement à faire les liens. Bah, c'est très proche. C'est vrai qu'on se rapproche de ce qu'on appelle en psychologie le psychodrame, quoi. Donc, c'est du jeu de rôle. Ouais, c'est très, très proche, sans l'être pour autant, je pense, du jeu de rôle psychologique, quoi. Ceci dit. Je pense que ça peut être réutilisé en jeu de rôle tradit, et je vais expliquer comment. Déjà d'une chose, parce que Tu nous illustres bien par ton retour, par ta réaction. C'est vachement difficile de mettre des thèmes, d'explorer ces thèmes-là en les posant cash sur la table en disant ce soir on va jouer à avoir le cancer du sein. Des thèmes trop graves pour que déjà voilà les gens qui sont habitués D'emblée, les gens, la plupart, toi, comment l'animateur, il va avoir du mal à proposer le thème et les joueuses vont avoir du mal à l'accepter. Et en fait, et ça, c'est l'approche, une approche qui est défendue par le Grumph, notamment. Au moins, quand on en discute, hein, je ne sais pas à quel point dans ces bouquins c'est expliqué, mais bon, en discutant avec lui, c'est un peu l'approche qu'il a. C'est dire, ouais, mais en fait, des thèmes graves ou des thèmes naturalistes, on peut les amener de face à un moment dans une campagne de JDR tradi, quoi. Ou dérangeant quoi. Là, moi j'ai mon expérience personnelle très récente là puisque j'ai fait jouer le shooter Dino Rushmore. Et je crois que Ouais. j'ai atteint comment dire la limite en demandant à mes joueurs de jouer justement des rednecks dégénérés dans un Texas profond et complètement on va dire caricatural certes mais trop on va dire vraisemblable pour que ça soit pas on va dire déroutant et vraiment malsain. Voilà. Et là, sur ce point, Ino a vraiment réussi quelque chose de vraiment, on va dire, bien calibré. Voilà quoi. C'est une expérience naturaliste, entre guillemets, aussi, puisque ben, voilà, c'est d'une certaine manière décrire une forme de misère sociale et ouais, de contexte social, on va dire, extrême. Qu'on a du mal nous-mêmes à imaginer, bah déjà parce que voilà, c'est Les white trash, ouais. Bah, disons quoi, il faut connaître un peu les Appalaches, tout ça, pour pas avoir une idée de ce que c'est, quoi. notre. Ou le Texas, peut-être. On a Ah. peut-être une meilleure idée, ou l'idée, on va dire, une idée peut-être, ouais, si quand même, caricaturale du sud profond, je ne sais pas. Mais là, je sens que déjà au niveau des joueurs, la limite, elle est là, quoi. Donc, voilà, après aller au-delà et jouer vraiment des personnes Ah. malades, atteintes Bah, d'un je vais essayer de cancer. te donner un exemple. Ça va être, par exemple, on joue, fait notre campagne de Donjons et Dragons classique, quoi. Et puis, bon, il s'avère que, je sais pas, l'un des personnages a le cancer, quoi. Alors, ça va pas être, comment ça peut être quelque chose que soit la joueuse a proposé, dire, ah bah tiens, moi j'ai envie de typer mon personnage en disant qu'il est atteint du cancer, quoi. Ou ça va être le MJ qui va proposer à la joueuse de dire bah tiens comment est-ce que tu es d'accord pour dire que ouais, je cherche une volontaire en fait pour avoir une maladie entre guillemets chronique à la joueuse qui se porte volontaire tu la prends en aparté puis tu expliques bon bah est-ce que tu es d'accord pour que ton personnage ait le cancer, c'est Une quelque chose qu'on graine. va pas. On va pas jouer en permanence, tu vois, hein, mais c'est qui va un petit peu qui va impacter de loin en loin l'aventure, quoi. Et qui va poser deux, trois problèmes de gestion en groupe au fur et à mesure, et qui va typer le personnage, mais ça peut être je prends des choses un peu moins graves. Bon bah je sais pas, par exemple, ça arrive de temps en temps, les personnages décident d'avoir un enfant, quoi, et se mettre à devoir gérer un gamin, puis du coup on a des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus rôlistes, quoi, traditionnels, quoi. C'est déjà, comment dire, des choses plus courantes. Et j'avoue Ouais. que moi, je Et l'ai. c'est en fait, je pense que ça passe mieux parce que c'est au milieu d'une aventure plus grande, quoi. C'est un détail dans la grande aventure, quoi. Là, Même sur si ce. des fois, c'est les joueuses, c'est le truc qu'elles vont plus retenir dans la campagne au final, ça se trouve, mais. Sur ce point, d'ailleurs, je voulais faire c'est un petit aparté, mais j'ai vu, en fait, moi, puisque ça fait quand même pas mal de temps que je maîtrise. L'évolution en plus aussi, on va dire, des intérêts, comment dire, des joueurs. Et là, tu justement, le fait d'avoir des enfants. Et c'est vrai que on jouait quand on était ado, on était plus dans une optique aventure, on va dire, plutôt, on va dire, nomade. Ouais, puis Là, on joue des nous, persos un peu caricaturaux, sans voilà, attache. sans attache. Et au fur et à mesure que le groupe de joueurs vieillit, eh ben, leurs personnages, eux aussi, finissent par vouloir beaucoup plus fonder quelque chose, justement. Et donc, ils vont se mettre à vouloir avoir un lieu, on va dire, à devenir plus sédentaire, à vouloir gérer, comment dire, un domaine, à vouloir également avoir une descendance et donc gérer, comment dire, leur famille tout aussi bien que leur domaine. Voilà, moi j'ai vu ça, comment dire, au fur et à mesure de mes parties, et je vois que bah, ça va de pair en fait avec le fait que bah, au départ on était des étudiants, après bah, on a fondé une famille, après bah, certains ont voulu, comment dire, avoir des enfants, etc. Et c'était assez intéressant de voir justement que ça allait de pair en fait, que l'évolution des personnages joueurs et leur manière, on va dire, d'appréhender le monde allait de pair avec ce que vivaient d'une certaine manière les joueurs dans la vie. Et c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, on parle de jeu d'évasion hein, qui est dominant, tout ça, mais en fait, la façon dont tu le décris, finalement, on est toujours quand même close to home, quoi, même quand t'es ado, parce que finalement, quand t'es ado, tu joues la quête de puissance, tu joues des personnes sans attache, enfin, entre guillemets, qui sont pas trop fixées et qui essayent de, entre guillemets, de progresser, tu vois, dans la vie. Donc finalement, quelque part, on joue toujours des thèmes assez intimes, quoi. Alors, en fait, sans le savoir, d'une certaine manière, on suit notre évolution aussi personnelle, on va dire, de centre d'intérêt. Ce qui veut dire qu'avec des joueurs un peu plus, qui ont un peu plus de bouteilles, il y a toujours des tendances hein, qui peuvent se... Mais on aura toujours, tout de suite une évolution vers quand même une envie de stabilité. Là où quand on était ado, on avait plus envie de, on va dire, d'être tout le temps sur la route, quoi, tout le temps dans l'aventure, dans l'action, dans le mouvement. Voilà. Alors, ça c'est une chose que j'ai pu, on va dire, expérimenter et que j'ai pu noter. Pour finir, je pense avec l'incorporation de jeux naturalistes ou sans fantastique, je pense que de temps en temps, ça peut être bien de faire passer les personnages dans une zone blanche entre guillemets, une zone d'anti-magie, quoi, pour avoir un scénario, par exemple, où il y aura une enquête sans fantastique, parce que on est dans une zone d'anti-magie. De toute façon, tous les sorts sont invalidés, pas de sort de divination pour mener l'enquête, quoi. Voilà, une fois de temps en temps, je pense que ça apporte une diversité qui est salutaire, quoi. Bon, le joueur du magot va un peu râler, hein, mais... Surtout lui. Ah, et puis si, le gros bourrin aussi, parce qu'il va devoir poser son nez et réfléchir. Là, ça ne va pas être évident. Encore moins évident. Il peut mener l'enquête en faisant des baffes, hein, ce serait un certain naturalisme. Oui, c'est vrai, mais là, on... voilà, je ne sais pas si ça va être très, très, très, très efficace. Je pense qu'on a fait le tour donc de cette partie, cette famille-là de jeu, quoi. Je voudrais passer au jeu carrément très onirique, hein. C'est-à-dire que ce soit des jeux de rôle, il n'y a pas de cohérence. Donc j'ai parlé de Dragonfly Motel tout à l'heure, quoi. Où, en fait, la cohérence, la causalité est non respectée, quoi. D'une scène sur l'autre, t'es pas obligé de respecter une causalité, ni même une chronologie, quoi. Et je vais aussi parler de toutes les formes de jeux où il y a du vertige logique. Le vertige logique, en fait, c'est quand il y a plusieurs réalités qui interagissent entre elles et que les personnages interagissent avec plusieurs réalités. Donc moi, j'ai fait une conférence hein, sur le vertige logique où j'explique un peu tout ça. Et puis bon, je renvoie aussi au podcast hein, qu'on avait fait avec toi et d'autres sur l'onirisme. Hein. Dans quelques temps, je vais sortir un article entier aussi sur le vertige logique qui va un petit peu développer le contenu de la conférence. Et puis, il y a tous les jours où il y a une mise en abîme, c'est-à-dire où on brise un petit peu le quatrième mur. Hein, je pense à Rêve de Dragon, notamment, qui joue pas mal avec le quatrième mur, quoi. Dans les jeux très onirique, on citera quand même assez incontournable, il y a Yttrazby, hein. Dans le jeu, il peut se passer à peu près n'importe quoi. On joue dans une ville onirique. Les événements sont complètement what the fuck. Il y a tout un tas de cartes. Tu tires des cartes événements. Tu tires des cartes événements qui vont complètement remodifier les paradigmes. Ça va être du genre comment bah en fait chacun on échange nos personnages ou on refait la même scène mais en triste des trucs comme ça quoi. Une Tu expérience voulais nous parler de... assez déroutante, on va dire. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, je vous invite à voir là, il y a comment sur le blog, la partie du lundi, il y a comment toute une campagne d'Itrasbi qui est racontée. Le jeu d'ailleurs va sortir en français bientôt, quoi, Ouais, j'ai pour deux dessins en face. les gens de Dessin Face, oui. J'ai pu les rencontrer à Troll et Légende. Et c'est vrai que parler du jeu a été très intéressant. Tu voulais nous parler de Mantra et Mantra Zéro, je crois. Oui, Mantra, évidemment, voilà, de Batro, qui est un peu, on va dire, complètement, on va dire, dans le vertige logique, même dans la mise en abîme, et aussi, on va dire, dans le jeu sans, on va dire, apparemment de cohérence. Voilà. Et donc, rapport à Mantra, donc, qui est un jeu d'une certaine manière multi-univers, où donc les personnages vont expérimenter des réminiscences, des expériences diverses et variées dans des mondes très, très, très, très différents, avec évidemment à chaque fois cette nécessité, si je puis dire, de faire la quête d'une perle pour pouvoir continuer leur voyage d'une certaine manière. Il y a une version, donc Mantra Zéro, sur laquelle j'ai un petit peu travaillé, où justement là, on poussait encore le jeu beaucoup plus loin, on simplifiait, on va dire, la mécanique, et on faisait en fait le jeu à partir en fait de collages surréalistes. Donc là, on avait des aides de jeu qui étaient proposées, qui proposaient donc de faire carrément une sorte de cadavre exquis, quoi, d'une certaine manière, d'idées, de mots, et c'est ça qui devait d'une certaine manière engager la partie et permettre au maître du jeu et aux joueurs, on va dire, d'expérimenter vraiment un vertige logique complet, quoi. C'est-à-dire, voilà, une expérience déroutante de chaînes qui, de, enfin de scènes qui s'enchaînaient et qui n'avaient pas forcément toujours de cohérence en elles et qui, avec une dynamique, comment dire, au niveau de la partie, vraiment assez, qui est éprouvante, je pense, pour les joueurs, mais qui est une expérience plutôt intéressante. Bah, ce qui est intéressant, et notamment dans Mantra, c'est le principe des réminiscences, ouais, le fait que t'as un scénario à suivre, quoi, puis à un moment, paf, on jump à une toute autre scène, et t'as un mini scénar dans le scénar de 6 minutes ou moins, Voilà, long tu dois métrage, gérer, voilà. quoi. C'est vrai que cette idée en fait d'entrefiler finalement bah, plusieurs aventures dans les mêmes quoi. Finalement le seul fil rouge entre ces différentes aventures, ce sont les personnages quoi. Ça c'est très fun quoi. Bon après on peut dire que c'est la même aventure, c'est juste les personnages qui slident d'un univers à l'autre. Il y a une explication si tu veux dans l'univers quoi. Mais c'est vrai qu'en termes de médias, on voit bien qu'on est sur quelque chose de très spécial quoi. Et là, justement, dans la version 0, il donne, on va dire, vraiment des mécaniques vraiment très intéressantes pour gérer justement cette chose-là et le faire de manière encore plus déroutante que du simple. Voilà, on coupe et on passe à une autre scène, dans une autre situation, un autre monde. Il y a En plus, moi, aussi. ce qui est intéressant dans Mantra, je trouve aussi, c'est l'effacement de la notion de personnage, quoi. C'est-à-dire que la notion de groupe de personnage est beaucoup plus importante que le personnage en lui-même, quoi. Les points de vie, c'est géré pas au niveau du groupe. Ton personnage meurt, c'est pas bien grave, quoi. Bon, ça fait perdre des points de vie au groupe, mais tu vas respawn ou tu vas avoir un nouveau personnage tout de suite, quoi. Et les personnages sont définis de façon très très limitée, quoi. Bah justement, par rapport à leur vie passée, à leur réminiscence. Ouais, puis à leur objet, quoi. Ce qui fait qu'on pourrait dire que t'as pas vraiment de personnage, quoi. C'est juste une espèce de bonhomme fil de fer, quoi, que tu vas te servir pour explorer le monde. Et du coup, finalement, c'est assez non traditionnel, dans le sens où on dégonfle beaucoup l'importance qu'on donne d'habitude aux personnages, quoi. Bah, c'est pour donner une plus grande importance au joueur et lui permettre Ouais, d'interagir c'est ça, de quelque part, c'est une manière façon plus spontanée. de remettre le gameplay sur le devant de la scène. Un petit peu. C'est plus de moins de roleplay et plus de gameplay, quoi. Donc la question traditionnelle, justement, c'est comment on va injecter ça dans nos parties tradies. Eh bien, ce qui fait que c'est déroutant tous ces jeux-là, c'est justement que ça va être concentré pendant le temps d'un one shot. Tu vas faire que ça, tu vas faire que de l'onirique, du vertige, de la mise en abîme. Mais sauf qu'en fait, on peut à nouveau, on peut persiller un petit peu nos parties tradies, quoi. Moi, je sais que quand j'ai testé le vertige logique, en fait, pendant 2 ans, toutes mes parties, si tu veux, je mettais au moins une scène de vertige logique. Donc ça pouvait être un moment et un personnage qui rêve et son rêve en fait entre en interaction avec la réalité, tu vois, ou à un moment il y a un flashback et le flashback entre en interaction avec le présent et ainsi de suite, mais c'est juste une fois dans, tu vois, une fois ou deux dans la partie, quoi. Surtout que le thème justement de l'onirisme et du rêve peut vraiment s'intégrer dans tous les univers. Ah Il n'y a aucun oui, voilà, univers tous les où personnages on peut rêvent, dire ah quoi. ben non, ton personnage rêve pas, à moins que ce soit vraiment une spécificité d'un cadre de jeu. Dans ce cas-là, voilà, ça serait vraiment assez original pour le coup, mais ça serait aussi difficile de le justifier quoi, d'une certaine manière. Et ça serait tout un pan, on va dire, justement, de. Des possibilités de narration qui seraient fermées, quoi. Bref, c'est quand même un moteur assez intéressant pour vraiment tous les univers, quels qu'ils soient. Bah, moi, je sais que je prépare un jeu qui soit vraiment axé vertige logique ou Wonderland. En fait, ce sera que ça, quoi. Mais effectivement, je sais que bah, dans la conférence puis dans l'article, j'ai vraiment essayé de brosser une série de techniques qui peuvent être amenées dans n'importe quel jeu, quoi. Alors, je vais enchaîner. On parlait justement de la notion de personnage qui était un peu mise en déroute dans Mantra. Et justement, j'enchaîne sur les jeux de rôle à personnages multiples. Donc, on a évidemment Ars Magica, hein, où tu joues plusieurs. Tu peux me redire quel type de personnage tu joues dans Alors, Ars tu joues Magica? principalement le mage, son compagnon, on va dire, plutôt avec des capacités fantastiques, et tu peux jouer également ses serviteurs. Alors, ça peut Ouais. être un ou jusqu'à trois ou quatre, après, ça dépend des joueurs, en fait, et de ce que la table, on va dire, veut. Et ça, c'est un principe depuis vraiment la première édition du jeu, quoi. Le but, c'est vraiment de jouer un personnage en fonction des nécessités, parce que ben voilà, un mage va vouloir faire une quête, et donc il va être pas forcément accompagné par les autres mages qui, eux, font leurs recherches dans leur laboratoire, et donc les Ouais, compagnons de ça mages. permet de jouer des entreprises de grande ampleur, quoi. En étant tout le temps présent, en fait. C'est juste en fonction des objectifs à faire, eh ben, tu vas utiliser tel ou tel personnage, quoi. Tes personnages, c'est un peu des outils pour un peu mener le grand œuvre à bout, quoi. Ça permet surtout, voilà, en effet, de faire en sorte qu'il n'y ait pas des personnages enfin des joueurs qui soient écartés, on va dire, de l'action, d'une manière ou d'une autre. Déjà, c'était une bonne manière de régler le problème, on va dire, des apartés, des quêtes, on va dire, personnelles, etc. Mais aussi, justement, d'avoir une flexibilité totale en fonction, on va dire, du genre de scénario qu'on va vouloir jouer. Voilà, on aura le personnage adapté à la situation. Il Ouais, partira si tu veux vite. faire un scénar un petit peu action-combat, eh ben, tu vas utiliser le garde du corps du magicien. Voilà. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça permet une multiplication des points de vue, quoi. C'est-à-dire que ça peut être intéressant de savoir ce que pense le serviteur de son maître, le magicien, et inversement, ce que le magicien pense de son serviteur, tu vois. Je pense que ça doit être très fun de voir un peu les points de vue croisés que tes différents personnages ont les uns sur les autres, quoi. Ou pourquoi pas, à un moment, de voir sous forme de vignette, tu joues ton serviteur, et puis tu vois passer ton maître qui est juste joué en PNJ l'espace d'un instant, ce qui traverse la pièce ou qui dit un truc. Je sais que c'est généralement, c'est pas forcément. C'est vrai que le joueur joue quand même le conflit entre ces personnages, parce que le compagnon est censé être une personne de confiance Oui, non, mais sans aller jusqu'à des relations conflictuelles. Oui. Mais ça peut être intéressant de voir juste les points de vue divers, quoi, effectivement, quoi. Mais bon, ben en fait, c'est la question qui se pose finalement dans ce jeu, c'est savoir le fait qu'on ait des personnages multiples, est-ce que finalement on n'aurait pas un seul roleplay, c'est-à-dire quand finalement on joue le mage et les autres, c'est vraiment des extensions du mage, et ils sont tellement dévoués que finalement quand tu joues tes autres personnages, tu gardes le même roleplay, c'est juste que t'as pas accès aux mêmes capacités et Voilà. Ou est-ce que tu peux t'amuser à avoir vraiment un roleplay polyphonique, tu vois, en donnant un petit caractère quand même à différents, une façon de voir les choses différente à chacun de tes personnages, quoi. Et ça peut être intéressant pour peu qu'on supporte, c'est l'idée d'être un petit peu multipolaire dans sa façon de jouer, quoi. C'est un petit peu, ouais, d'avoir vraiment des. En plus d'avoir des personnages multiples, avoir vraiment des personnalités multiples. De façon encore plus extrême, je dirais, on a Microscope, hein, qui fait beau, dira beaucoup que Microscope n'est pas un jeu de rôle, puisque dans Microscope, bon, déjà, on joue vraiment plus sur le temps de la saga, voire même de l'histoire. On pourrait détailler toute l'histoire d'un univers avec ce jeu, quoi. Et tu vas jouer, de temps en temps, tu vas jouer des vignettes avec chaque fois un personnage différent, parce qu'en plus, des fois, ça peut s'étaler sur des siècles, hein, où ça va illustrer un moment clé de cet univers, quoi. Et donc, ouais, le fait qu'on change de personnage à chaque scène, en fait, fait à dire à beaucoup que c'est pas du jeu de rôle. Après, c'est étonnant parce que quelque part, quand tu joues ta scène, t'as quand même un personnage, quoi. T'as toujours un personnage, c'est juste que tu en changes souvent. Mais à la rigueur, à Paranoia, où tu perds ton personnage tous les quarts d'heure, ou à Sombre, hein, c'est pareil, tu joues plusieurs personnages dans toute la partie, quoi. Mais c'est du coup, c'est vrai que on a ce focus qui est beaucoup dilué, quoi. En plus du changement de personnage quelque part, quoi. Et toi, tu voulais nous parler de Bloodlust et de Dieu ennemi. Alors, pour Bloodlust, voilà, on va dire, c'est un exemple assez connu justement où on joue plusieurs personnages. Alors bon, ça dépend évidemment des tables et des maîtres du jeu, parce qu'au départ, des personnages débutants, le MJ ne peut faire jouer que le porteur. Voilà, le principe, c'est de jouer donc un porteur d'armes, l'arme étant, on va dire, un dieu justement qui pouvoir lui donner des pouvoirs, le dieu lui demandant en échange de vivre des expériences à travers justement le porteur. Donc voilà, soit on joue au niveau de base juste le porteur et c'est le MJ qui gère les armes, soit on va dire on est avec des joueurs plus expérimentés et dans ce cas-là, il va jouer l'arme et son porteur, ou l'arme va être jouée par un autre joueur de la table, ou on va dire le porteur va être joué par un autre joueur de la table et c'est le joueur qui va jouer l'arme dieu. Voilà. Donc il y a plusieurs modalités, si je puis dire, de jeu, mais ce qui fait que malgré tout, les joueurs à la table vont jouer plusieurs personnages, quoi qu'il arrive, soit l'arme dieu ou le porteur. Donc l'intérêt, évidemment, est de, à travers ces expériences qu'ils vont vivre ensemble dans un monde quand même très, très, très violent, où voilà, t'es régi, on va dire, par des conflits, on va dire, aussi bien politiques que militaires ou voilà, commerciaux. On est vraiment dans un monde extrêmement barbare, sauvage, qui est toujours, même dans la nouvelle édition, voilà, c'est toujours, on va dire, la thématique, on va dire, principale. Hein, on reste dans un monde extrêmement violent dans lequel faut faire son trou, quoi, d'une certaine manière. Assez immoral, ouais. Aussi, oui, avec une moralité assez douteuse parfois, mais bon, ça fait partie du jeu aussi, quoi. On n'est pas là pour pour jouer à mon On n'est petit pas pain. là pour beurrer des tartines, oui, bien sûr. Oui, voilà. Et donc, l'intérêt, évidemment, étant de jouer les conflits et les différences de points de vue, les négociations, si je puis dire, entre l'arme et son porteur. L'arme, voulant peut-être, ayant des intérêts personnels, elle appartient pas à des groupes. L'arme ont des intérêts politiques, des intérêts de pouvoir particuliers. Et le porteur qui, lui, évidemment, va rechercher... Ouais, puis elles ont des désirs, Voilà. qu'elles essayent d'imposer à leur personnage, quoi. Aussi, voilà. Et donc, les désirs, évidemment, vont forcément être les mêmes, et c'est là que ça va être intéressant. Bah, le C'est ça. porteur va devoir, pour que l'arme lui donne certains pouvoirs, justement devoir négocier avec l'arme. L'arme va avoir ses intérêts personnels qu'il va essayer de faire passer, etc. Et là, on arrive dans une dans un roleplay quand même assez complexe où le véritable intérêt du personnage multiple montre toute sa richesse et tout son intérêt. Il y a Là, deux ennemis également. Dieu ennemi, donc c'est un jeu My Gods qui était donc traduit, c'est par les 12 singes. Donc là, le principe, c'est de jouer un héros et un dieu. Donc là, c'est quand même c'était assez peu couru parce que jouer un dieu, voilà, c'est quand même une proposition, on va dire, qui est tout de même assez assez déroutante, si je puis dire, assez ambitieuse. Et donc voilà, le joue donc un héros et on va dire sa divinité stellaire et donc les rapports évidemment que chacun va avoir, l'un va avoir besoin de l'autre évidemment pour accomplir sa destinée. C'est donc cette interaction vraiment va naître au titre Est-ce que d'un. de mémoire, tu joues pas ton propre dieu tutélaire, tu joues le dieu tutélaire d'un autre perso, c'est ça, hein? Alors là, je ne sais plus, mais pour moi, normalement, alors est-ce qu'il y a aussi possibilité de tourner au niveau de qui joue les dieux et qui joue, on va dire, le héros? Là, je voudrais dire, je ne sais plus. C'est vrai que c'est pas un jeu que j'ai maîtrisé, Ouais, j'ai faut qu'on lu. aille voir. Mais On va aller voir sur le voilà. grog, mais je pense que tu joues le dieu d'un autre, en fait. Tu joues pas pour histoire qu'il y ait un peu de conflit, quoi, De entre guillemets. conflit, mais bon, ça n'empêche malgré tout que ça fait que tu as malgré tout une interaction quand même assez forte entre du coup les joueurs et on va dire le personnage et son dieu tutélaire. Voilà. Et si j'en avais un à rajouter aussi, c'est le dans Wraith, le jeu, comment dire, où on trouvait des fantômes dans le monde des ténèbres. Où voilà, il y avait aussi le concept de shadow, donc la part sombre, si je puis dire, le spectre un peu qui sommeillait dans le fantôme qu'on joue, qui lui-même était joué par un autre personnage, enfin un autre joueur de la table. Voilà. Donc là, c'était en fait, le mauvais génie, quoi, le petit démon sur votre épaule qui vous soufflait des mauvaises choses, des mauvaises actions et qui essayait de vous précipiter vers le néant, quoi, en vous amenant, comment dire, à commettre des actions que douteuses moralement. Voilà. Donc, sur le même principe, on voit quand même qu'il y a pas mal de jeux qui ont proposé de dédoubler d'une certaine manière les personnages pour enrichir la situation de jeu. Alors, comment on peut ramener ça en jeu de rôle tradit? Moi, je sais que je vois déjà deux applications, en fait. On a. Alors, par exemple, le principe du démon qui essaye de conseiller un autre personnage, ça, on peut facilement l'amener même sans rajoutant des règles. C'est juste, tu dis, ah, bah, tu joues le démon de tel autre perso, puis tu lui chuchotes à l'oreille des trucs. Bon, je sais que ça, c'est ce que je fais avec dans Arbre, ça fonctionne très bien. Mais si tu le fais en permanence, quelque part, ça, tu n'es plus traditionnel. Donc l'idée, c'est de le faire juste une fois de temps en temps, quoi, ponctuellement, quoi. Donc ça peut être, par exemple, si un personnage est victime d'un sort. Eh bien, il se met à entendre des voix, et puis donc le temps d'un scénario, c'est un autre joueur qui va jouer les voix dans sa tête, quoi. Ou un personnage a récupéré une arme maudite, Et donc, du coup, le temps qu'il arrive à s'en débarrasser, ou entre guillemets, ou à la rendre inoffensive, c'est un autre joueur qui va jouer l'arme maudite avec ses propres pulsions, tout ça, quoi. Dans Sorcereur de Ron Edwards, la magie, en fait, c'est forcément des pactes avec des démons. Et je crois que dans Sorcereur, le démon est joué par le MJ, mais c'est pareil, il faudrait vérifier. Mais donc du coup, on peut de temps en temps dire que le démon, voilà, tu fais un pacte avec un démon pour avoir telle ou telle magie, bah, le démon va être temporairement joué par une autre joueuse, quoi. Ce que j'ai fait, ce que comment, ça permet de décaler les points de vue aussi. Je me rappelle une campagne de Warsaw que j'avais faite. Les personnages étaient sur le front, enfin ils étaient à Varsovie, tout ça. Et il y a un moment, en fait, j'ai proposé à un joueur de jouer de jouer l'épouse de son personnage qui, elle, était restée en arrière-garde, quoi. Et donc, elle s'est retrouvée confrontée à un méchant dignitaire allemand que les PJ connaissaient, si tu veux, quoi, et qui a essayé de s'en prendre à elle. Et donc, du coup, on a joué la confrontation comme ça. Ça permettait en fait de jouer une scène hors champ, quoi, qui entre guillemets intéressait quand même les personnages parce que ça mettait en scène bah, deux PNJ qui leur étaient proches, l'un parce que c'était un peu leur némésis et l'autre parce que c'était la femme du héros, quoi. De même, si on joue une enquête. Bon bah, on peut de temps en temps faire jouer la victime. Tu vois, si on mettons les PJ enquêtent pour retrouver un serial killer, et ben quand il y a un crime, en fait, tu vas faire jouer la victime par un des personnages, quoi. Il va jouer la victime pendant une demi-heure, le temps de se faire charcuter, quoi. Et puis après, on repasse au perso, quoi. Quitte d'ailleurs, pourquoi pas, à carrément faire genre une partie de sombre avec où tu joues la victime, quoi. Et puis une fois que tu t'es fait charcuter, on repasse avec notre système habituel pour mener l'enquête, quoi. Quelque chose comme Sombre Zéro, hein, qui permet de jouer en une demi-heure, par exemple, pourrait très bien convenir. Ou encore dans Vampire, je pense que dans Vampire, ce qui est intéressant, c'est de temps en temps faire jouer les ghouls. Hein. T'en penses quoi? C'est pas l'expérience pourtant du vampire. Là, j'en ai maîtrisé pendant des années. C'est pas ce qui intéressait les joueurs, même s'ils avaient souvent, comment dire, des serviteurs, des ghouls. Mais oui, c'est vrai que c'est une possibilité en tout cas qui était offerte dans les, on va dire, les variations de points de vue et de modalités de jeu dans le jeu. En tout cas, c'est clair que Ouais, la moi je sais que possibilité est j'ai. complètement. Ouais, c'est. Oui, c'est effectivement, comme tu dis, c'est techniqué par le jeu. J'ai des copains qui ont fait ça, qui ont fait une campagne ghoul. Et puis sur Internet, il y avait Odilon, hein, sur Antonio Bay, qui apparemment faisait principalement jouer des ghouls plutôt que des vampires. Je sais que je l'ai fait, oui, une fois où j'ai émulé puis dire le fait d'avoir plusieurs personnages, hein, un peu comme si j'avais justement adapté le principe d'Ars Magica, où donc, justement, pour jouer tous les aspects de la campagne, chaque vampire avait obligatoirement un serviteur, une goule, qui permettait de jouer ce qui se passait la journée, d'une certaine manière. Bah oui. Voilà. Et donc, j'avais fait ça pour une campagne qui retraçait justement les glorieux jours de Carthage, la cité idyllique des vampires, où ils pouvaient vivre en paix avec les humains. Une légende. Et donc justement, c'était important que chacun ait un serviteur pour interagir avec les humains la journée, là où les vampires, eux, ne sortaient que évidemment la nuit pour pouvoir faire leurs propres actions. Mais oui, c'est donc oui, j'ai juste un exemple en tête, mais une modalité de jeu, je pense, qui est la plus intéressante du point de vue des joueurs. Eux, ce qu'ils veulent, voilà, c'est quand on joue à vampire, c'est vraiment jouer à un vampire, quoi. Et voilà, on est dans le genre, Ah mais bon, après, c'est pareil. Quand t'as fait 2-3 campagnes de vampires, tu peux avoir envie de varier, quoi. Ah oui, ça c'est Ou tout à fait. même à l'intérieur d'une campagne, tu fais un scénario ghoul, ça met un coup de frais, quoi. C'est sûr que ça. Voilà, le temps d'un scénario, oui, pourquoi pas. Il y a plus, on va dire, ils ont plus, on va dire, envie parfois de choses encore plus déroutantes, faire des mélanges un peu plus détonnants, quoi. Où justement, à la table, ils vont se retrouver avec des vampires et pourquoi pas des loups-garous, des mages. Ouais, mais là, si tu. Ouais. Ah, Bah, ça. c'est un peu l'idée aussi de. Comment il y avait. Comment. Sur la partie du lundi, t'as la chronique de Radjaban, hein, qui c'est les. Comment. C'est une campagne chroniques oubliées, hein, désertique. Et en fait, ils ont décidé de faire un break au milieu de la campagne, parce qu'ils arrivaient dans une nouvelle ville, la ville de Rajaban. Et pour découvrir la ville, en fait, ils l'ont joué avec Inflorenza, avec d'autres personnages. Inflorenza qui est plus world building quand même comme jeu, quoi. Et donc du coup, ça leur a permis de s'approprier la ville, à la fois parce qu'ils avaient d'autres personnages, donc ils pouvaient un peu se balader sans risque, entre guillemets, quoi. Et puis aussi parce qu'ils avaient de grandes possibilités de décrire eux-mêmes des quartiers de la ville ou des PNJ, d'en rajouter, tu vois. Et donc ça leur a permis de s'approprier la ville et après ils sont repartis comme ça. Ils sont repartis à nouveau avec des chroniques oubliées où ils ont repris leur personnage. Ils ont fait une autre expérience, le même groupe, sur la partie du lundi, c'était sur. Ils ont fait une campagne de Sur les frontières. Et ils ont joué, ils ont fait un break avec la Lune et les 12 Lotus. Alors bon, sur les frontières, c'est quand même très gritty, hein, tu joues des enfants, tout ça, machin, quoi, dans un monde sauvage. Et tac, ils ont fait un break avec la Lune et les 12 Lotus, je crois, à nouveau d'autres personnages. Et je crois que dans les Lunes des Lotus, c'était quand même nettement, je pense, c'est peut-être nettement plus héroïque que dans Sur les frontières, quoi. Donc ça m'a permis de voir le monde sous un angle différent, quoi. À travers des enfants qui protègent les frontières de l'Empire, Ouais. c'est sûr. Je sais plus, alors malheureusement, il faudrait que je revoie. Je sais plus quel genre de personnage j'ai joué avec la Lune des 12 Lotus. Est-ce que c'était les barbares justement qui étaient aux frontières? Ou est-ce que c'était encore autre chose? La Lune et les 12 Lotus proposent vraiment une grande variété de peuples et de cultures. Et sur ce point-là, le groupe a vraiment bien réussi son coup. Il a vraiment décrit une société, on va dire, vraiment pluriculturelle, et toujours dans l'ambiance Sword and Sorcery, qui est vraiment très pertinente. En plus, décrit avec vraiment les infos, on va dire, très, très ciselées et des dessins, et c'est vraiment beaucoup plus agréable à intégrer. Souvent, intégrer des éléments de BG comme ça sur un monde complètement nouveau, c'est pas évident. Et c'est pas évident à passer. Alors, j'enchaîne un petit peu sur notre copieux inventaire parce que j'aimerais bien qu'on le fasse en deux parties et non en trois. Alors, la forme suivante de jeu de rôle, c'est le jeu de rôle en impro total ou en quasi-impro, quoi. C'est-à-dire de l'idée qu'on laisse tomber, Moi, j'ai fait plusieurs expériences comme ça, vraiment à aller de plus en plus, essayer le plus possible de venir vierge à la table. Alors souvent, mes parties impro, j'avais quand même un truc de préparé, c'est-à-dire que je savais que je jouais dans l'univers de Milvaux, quoi. Mais vraiment sur les parties les plus improvisées, je venais déjà avec aucune intention, parce que des fois ça m'arrivait de jouer en impro, mais avec une intention, par exemple dire on va jouer dans telle zone de Milvaux, ou on va jouer telle thématique, tu vois. Vers la fin, quand j'ai vraiment voulu tester la full impro, en plus j'ai fait des parties full impro uniquement en règle zéro, quoi. C'était vraiment arriver le plus léger possible. Voilà, je me disais non, j'ai aucun préconçu, je sais pas dans quelle zone on joue, il y a même de fortes chances qu'on joue dans aucune zone prédéfinie. Je n'ai aucun fil rouge, aucune thématique, je m'interdis d'en concevoir une au départ, quoi. Et comment je me mettais aussi violence en n'utilisant pas les tables aléatoires que j'ai à ma disposition, quoi. J'ai pas mal de tables aléatoires pour 1000 veaux, notamment l'almanach. Et je me disais, non, non, bah, c'est vrai que je peux avoir des tables aléatoires qui me permettent de générer des trucs à la volée, quoi. Mais non, j'y vais, entre guillemets, à sec, tu vois, sans aide de jeu, quoi. Même là encore, je te dirais, c'est l'impro. Je pense que l'impro totale n'existe pas de mon point de vue, parce que Bah, bon. l'impro totale, déjà, il faudrait déjà aucun univers, quoi, parce que là, je amène quand même l'univers de Milvaux, Ouais, voilà. que moi, si tu veux, j'y joue depuis 10 ans, donc en fait, je peux recycler tout ce que je connais déjà sur l'univers, et je m'en prive pas d'ailleurs. Hein. Voilà, tout Il prévoir faut. et tout scripter est impossible. Ouais, la Écrire foule et tout impro, ce prévoir serait à dire, bah, l'avance. on ne sait même pas dans quel Voilà. univers on va jouer, si c'est SF, tout ça. Voire même, on s'interdit de jouer dans des univers canon. C'est-à-dire, si on fait de la SF, on fait pas Star Wars, on fait pas non plus Star Without Numbers, tu vois. On n'utilise pas un univers de licence ou de jeu de rôle connu, quoi. Là, effectivement, ce serait vraiment la foule impro. Je dis pas qu'il faut le faire, mais c'est comme ça qu'on la définirait, quoi. J'ai fait un article qui s'appelle Improviser sans filet, hein, qui est sur Contes et histoires à vivre, où justement je donne un petit peu toutes mes méthodes pour réussir à improviser avec le moins de matériel possible, quoi. Mais effectivement, tu as aussi des jeux fonctionnent sans scénario, mais on a des supports d'improvisation, tels que les tables aléatoires. Tu voulais nous parler de Planète Hurlante et de Hall'tree? Tout à fait, oui. Ben là, voilà, c'est un parti pris. On a un cadre, malgré tout. Voilà, on est dans un univers de SF assez trash. Ouais, à la Druillet, un petit peu, quoi. Une planète qui est définie et c'est expliqué même dans le BG comme voilà, complètement aléatoire et modulaire elle-même. Donc, l'environnement change tout le temps, Ouais, ce qui la soufflait. planète est soumise au chaos, quoi. Voilà. Et donc, chaque scénario, voilà, Batro, puisque c'est un jeu de Batro, nous dit une demi-heure avant la partie, tu tires, comment dire, les situations, les types de scénarios sur l'histoire que tu vas faire, d'adversaires, d'environnement, etc., que tu vas faire vivre une demi-heure avant la partie. Voilà, ça donne une structure et après, bah, roule ma poule, on y va. Voilà, Et t'as c'est. aussi des tables pendant le jeu, en fait, pour ramener des choses dans le jeu. Voilà, pour ramener des éléments. Mais normalement, tout est tiré même à l'avance, hein. On peut rajouter des choses en cours de partie, mais généralement, si on a tiré sur les tables aléatoires, on a tout ce qu'il faut pour faire durer. Ouais, voilà, le format, c'est à peu près une partie doit être 2 heures à peu près, avec Bah. possibilité de jouer avant, comment dire, l'arène qui permet de. Là, justement, on revient sur le jeu multijoueur, c'est qu'au départ, on joue 5 personnages en fonction du nombre de joueurs. Et il y a en fait un personnage par joueur qui va survivre à l'arène, qui est en fait une épreuve qui permet de passer au niveau 1. Voilà. Donc après. Ah oui, ça c'est pas mal. Dans Marchebranche, moi je sais que je propose une approche mixte, donc il y a plein plein de tables aléatoires, quoi. Et tu peux effectivement faire tous tes tirages au préalable, mais tout comme tu peux, en fait, tu peux faire tous les tirages également au fil de l'eau, quoi. C'est également, on va dire, un peu une marque de fabrique du Grumpf, de proposer justement des tables aléatoires pour aider à l'improvisation. Donc, Hall'tree est Ah, ouais, c'est l'exemple ça. parfait. Tu traverses une forêt, tu veux qu'il y ait une auberge. Bon, bah, ça peut être bien d'avoir des outils pour typer ton auberge vite fait. Parce que ça se trouve, une demi-heure avant, t'avais pas prévu que les persos ils iraient dans la forêt. T'avais pas prévu non plus qu'il y aurait une auberge. En fait, du moment que tu joues très bac à sable, ce qui est le cas d'Hall'tree, c'est vrai que t'as besoin de tables aléatoires pour meubler un petit peu ton bac à sable. Voilà, Dans un le petit trait, peu c'est pas comme les dans tables les. aléatoires, c'est les jeux de cartes en fait qui Ouais. définissent l'environnement et les rencontres possibles dans chaque. Puisque Dans chaque l'environnement, le hexagone. but c'est de découvrir en fait Ouais. un territoire, puisqu'on joue des Patrouilleurs. des patrouilleurs frontaliers. qui vont voyager jusqu'à un fort qui est, on va dire, aux limites d'un vieil empire quelque peu et qui a connu ses heures de gloire, on va dire, et qui est en train d'essayer de renaître. Et donc, le premier, voilà, la première chose à faire, c'est déjà d'un petit peu, on va dire, remettre en place ses frontières. Et donc, toute la zone qui est autour est donc gérée par, c'est découpé en hexagones. Et chaque hexagone fait l'objet, en fait, d'une possibilité de rencontre qui est déterminée aléatoirement par des decks de cartes vues à cet effet. Là où il y a Nanochrome aussi, où donc là, on peut carrément tirer purement et simplement son scénario au hasard juste avant la partie. Et on tire des rumeurs donc qu'on va donner aux joueurs. On va tirer également des faits. C'est des informations qui sont passées sur les différents médias. Et voilà, et le scénario va naître là-dessus, dans la mesure, en plus, où on joue dans une optique où Nanochrome propose de jouer des journalistes, quoi, le Panopticon. Où donc, justement, on va enquêter pour faire un article ou pour faire un documentaire, un reportage qui va permettre de dénoncer telle pratique, telle corps. Voilà, on reste dans une ambiance très propre au cyberpunk. Et voilà, il y a toutes les tables dans le livre de base pour pouvoir justement définir la situation de base, définir les rumeurs et les faits dont disposent les joueurs pour lancer la partie, savoir qui est l'adversaire, donc définir les traits de l'adversaire qu'on appelle, comment il l'appelle déjà. Il y a un nom particulier dans Nanochrome, c'est j'ai un trou de mémoire, mais bon, il a un nom vraiment qui définit que c'est l'adversaire primaire, si je puis dire, du groupe de personnages. Et voilà, et une table aussi pour relancer en cours de partie. Voilà, si on arrive, à la fin d'une scène, d'un épisode, on a une table qui permet de relancer, un petit événement pardonné, du corps à la partie. Voilà, c'est une improvisation, comme je le dis aussi souvent, et c'est pas moi qui le dis, la meilleure improvisation, c'est celle qu'on prépare, hein, c'est d'une certaine manière. Donc, on peut improviser, mais je pense que l'improvisation nécessite malgré tout d'avoir des outils, de savoir les utiliser à bon escient et de mettre une improvisation peut-être plus, coulante, simple, fluide. Alors, si on joue en full impro, bien sûr, on n'est pas traditionnel, hein, puisque c'était en dehors de notre définition. Le jeu tradit, c'est le jeu préparé. Ça, je pense que c'est bien de faire un tour par le jeu de rôle en full impro et de revenir ensuite dans le jeu de rôle préparé, parce que ça va t'aider quand même, parce que même si tu as préparé un scénario, à plus forte raison si c'est un scénario bac à sable, il y a pas mal de moments où, si tu veux, les personnages ils vont sortir du décor, quoi. Et à ce moment-là, il va falloir un peu meubler à la volée, quoi. Donc, si tu as eu l'expérience de faire des scénarios, voire des campagnes entières, quasiment à partir d'une page blanche, ça va t'aguerrir quand il va falloir, à l'intérieur d'un scénario pourtant bien écrit, combler tous les trous, quoi. Hein. Et en toute façon, quel que soit ton taux de préparation, il y a forcément des moments où les personnages et même toi-même, tu vas te rendre compte qu'il y a tel aspect qui va émerger, quoi. Donc, ça peut être pas mal de développer ces outils, que ce soit des outils que j'appelle un petit peu hors sol, hein, comme dans l'article Improviser sans filet. Je vais donner un exemple, c'est partir des compétences des personnages. C'est-à-dire que si, tu t'arranges pour amener des situations qui valorisent les compétences des personnages. Donc, s'il y a un personnage qui a discrétion, tu vas mettre en place un moment où il y aura de l'infiltration, quoi. Si un personnage qui a baratin, il va y avoir des courtisans, entre guillemets, à passer, quoi. tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Alexandre? Non, non, je pense que les choses principales ont été dites sur l'impro, mais bon, je voulais juste préciser que, en fait, voilà, par essence, de toute façon, le jeu de rôle, même traditionnel, le plus traditionnel possible, il y a une part d'improvisation qu'on ne pourra pas renier, en tout cas, et qu'on ne pourra pas escamoter. Voilà, par essence, on est, comment dire, on fait une activité qui nécessite une improvisation aussi petite soit-elle, mais qui est toujours présente. Oui, bien sûr. Alors, je vais rajouter quelque chose qui n'était pas prévu. Ça m'étonne que j'avais oublié de le mettre, mais je pense que c'est important d'en parler. Bon, c'est le jeu de rôle, le jeu de rôle en ligne. C'est-à-dire que tu veux faire du jeu de rôle traditionnel, sauf que tu vas le faire par un chat vocal, Roll20, Hangout, j'en passais des meilleurs. Voilà. Alors bon, je vais pas revenir sur réexpliquer tout ce que c'est. Il y a un podcast sur Radio Rollis qui le fait mieux que moi. Il y a une super conférence sur le jeu de rôle le jeu de rôle en ligne qui a été faite au colloque universitaire du jeu de rôle, une conférence de Noémie Roques. Je mettrai le lien. Elle est vraiment super intéressante sur le fait que dans le jeu de rôle en ligne, on gère tout un tas de fenêtres à la fois en jeu et hors jeu, quoi. Il y a deux choses qui m'intéressent à parler sur le jeu de rôle en ligne, c'est la gestion de la parole. Parce qu'en fait, dans le jeu de rôle en ligne, on ne peut pas se parler les uns sur les autres. Du coup, tu es obligé de laisser parler l'autre. Tu ne peux pas avoir deux conversations en même temps, encore qu'on peut utiliser le chat textuel. Et d'ailleurs, ça pourrait être très rigolo en jeu de rôle tradi, on va utiliser les petits papiers, mais on pourrait à la rigueur être plus technologique et utiliser des textos, par exemple. Chose que j'ai eu, comment dire, dans mes expériences de joueur. J'ai le souvenir d'une partie de Vampire où il y avait des intérêts personnels très divers, très variés, où les joueurs, comment dire, ont passé la séance qui était vraiment mémorable à se passer des SMS pour pouvoir conspirer entre eux. C'était génial. Ouais, je pense que si tu fais un White Lies un autre jeu d'espionnage, tu dois beaucoup t'éclater à faire ça aussi. Et moi, ce qui est intéressant avec le fait, tu vois, que chacun parle, il n'y a jamais deux conversations en même temps, ça résout un problème que je vois souvent en jeu de rôle tradi. C'est par exemple, tu vois, au début, on fait un tour de table, chacun présente décrit son personnage. Et en fait, généralement, le premier, le deuxième, le troisième qui décrivent leur personnage, tout le monde les écoute. Et en fait, quand c'est le cinquième à décrire son personnage, alors déjà, en plus, en général, quand c'est le cinquième, c'est souvent la personne la plus timide, tu vois, ou qui a une petite voix, tout ça, qui se met pas trop. Si tu as eu l'occasion de le faire en premier, c'est généralement... Voilà. Moi, malheureusement, je vois souvent, notamment en convention, quoi. Quand la personne, elle décrit son personnage, t'as les deux premiers, ils sont déjà en train de faire du roleplay entre eux, et du coup, ils n'écoutent pas la description. Donc, il y a une sorte de politesse qui t'est un peu forcée dans le jeu de rôle en ligne, qui peut être sympa, je pense, à ramener dans le jeu de rôle tradi en disant, quand il y a un perso, un joueur qui parle, même si t'as envie de faire du roleplay avec un autre, bon, peut-être que tu pourrais faire un effort puis écouter, quoi. Surtout un truc aussi crucial que la description, quoi. Bah, de toute façon, dans le jeu de rôle traditionnel, souvent, pour pouvoir écouter chaque joueur, voilà, on impose le tour de table traditionnel pour chacun et voix au chapitre. Bon, je suis très favorable quand notamment dans les scénarios un petit peu coup de pute entre amis, à faire des groupes de joueurs qui vont faire leur aparté entre eux, chacun de leur côté, quoi. Mais il y a des moments où, au contraire, c'est l'idée qu'il y a une monoparole, ça peut être bien à défendre, quoi. Ouais, mais bon, on sait tous qu'il y a toujours un ou deux joueurs dominants à la table qui fassent quand même les autres. Ça, c'est difficile Ouais, après, on est en jeu de rôle tradi, hein. C'est peut-être le rôle du maître de jeu ou du joueur social de la table, la joueuse sociale, d'un petit peu cadrer ça, quoi. Mais c'est pas la chose la plus évidente, en tout cas. Ouais, bien sûr. Il faut le faire en débriefing parce que moi je sais que par exemple, je suis très mangeur de parole, hein, même quand je suis joueur, quoi. Et je pense qu'il y a des parties où je parle plus que le MJ. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'évite d'être joueur, parce que je sais que sinon, le MJ, le pauvre. Mais si tu veux, après en débriefing, on en parle. En débriefing, on en parle. Et du coup, après, à force qu'à chaque débriefing, on te fait remonter que tu as beaucoup parlé, ou que toi-même tu fais remonter d'ailleurs, eh ben, ça t'invite à travailler dessus, quoi. Donc au fil des parties, tu vas un peu bosser là-dessus, puis trouver des techniques pour prendre moins la parole. Par exemple, des fois même carrément prétexter que ton personnage dort et dans les pommes ou qu'il est cuité et que du coup, il ne peut pas agir juste pour laisser de la place au moins bavard, quoi. Moi, j'ai trouvé la solution, hein. Je suis exclusivement MJ, comme ça, on ne reproche pas trop de monopoliser la parole. Ouais, en fait, tu la monopolises, mais en tant que MJ, quoi. Voilà. Ce qui parfois peut quand même aussi être frustrant pour les joueurs, il faut quand même leur Ouais. parler. Ah, tout à fait. Ça, c'est aussi quelque chose que nous apprennent les jeux forgés, notamment la gestion de la parole, où c'est quand même des jeux qui s'arrangent pour que les MJ, et comme on lui donne beaucoup moins de choses à gérer, eh bien, en termes de temps de parole, il baisse un peu d'un ton. Hein. Il y avait aussi un article intéressant, c'est un frais que je retrouve. Article temps de parole dans combat Donjon Dragon. Un MJ de donjon qui se disait, mais mince, mes combats ils sont vachement longs, quoi. C'est chiant, qu'est-ce qui se passe? Et donc il utilise une application qui mesure le temps de parole de chacun pour voir un petit peu d'où ça vient, ces lenteurs dans les combats. Et en fait, ce qu'il réalise à la fin, c'est que grosso modo, mettons un combat qui dure 1 heure. Eh ben, ces joueuses, elles vont avoir une demi-heure de temps de parole tout ensemble, quoi. Donc, mettons qu'il y a 6 joueuses, eh ben, elles parlent 5 minutes chacun, quoi. Ah, c'est pas aussi équitable que ça, parce que y a certaines joueuses qui parlent plus que d'autres, mais. Et il s'est rendu compte que lui, MJ, bah, sur 1 heure, il parlait une demi-heure, quoi. Et en fait, il s'est dit, bah, c'est moi qui ralentis des combats parce que je connais pas assez bien les règles, peut-être parce que je passe trop de temps sur mes descriptions, ceci, cela, quoi. Et que du coup, il s'est rendu compte que s'il voulait dynamiser les combats, eh ben, c'était à lui de parler moins, quoi. Ah ben, de toute façon, il y a, voilà. Je pense que le MJ, normalement, s'il met bien les choses en place, il parle un minimum. Il va décrire la scène et après, voilà, c'est les joueurs qui vont interagir. Le MJ, lui, il n'a plus qu'à regarder et qu'à gérer, comment dire, quand les joueurs vont lui poser des questions. Ouais, puis si tu veux, des fois, je pense que, notamment en jeu de rôle tradit, je pense qu'on met une grosse emphase sur l'ambiance. Faut qu'on soit baigné dans l'univers, faut qu'il y ait une ambiance, une atmosphère. Et ça passe par les descriptions, on est d'accord? Eh ben, les descriptions, il n'y a pas à dire, ça prend du temps. Ça prend du temps et peut-être que des fois, il faut se dire, bah, on va jouer moins pour l'ambiance, plus pour le social, plus pour le gameplay. Aussi, hein, et du coup, quitte à ce que l'univers soit un peu fil de fer, mais on va être beaucoup plus brut dans les descriptions, quoi. Et tu vois, les gens qui jouent à Donjons et Dragons en décrivant pas les coups, comme ça paraît un peu sec, et puis dire, oh, bah, c'est pas du jeu de rôle, mais en fait, c'est aussi une façon d'amener de la fluidité, quoi. C'est vrai que parfois le MJ, il a envie de rendre hommage, si je peux Ah ouais, dire, à la voilà. richesse de l'univers. Et c'est Ouais, vrai c'est que c'est tous ça, et ces du petits coup. détails dont lui, Il va décrire. il s'est, comment dire, complètement emparé en lisant, on va dire, l'univers. C'est dommage de pas en faire bénéficier les joueurs, parce que ça fait vraiment partie de Ouais, mais du ça coup, qui va c'est un justement équilibre à participer à trouver. Tu l'ambiance. dis à partir de quand tu fais effectivement profiter d'une ambiance à tes joueurs. En plus, il y en a, des fois, ça justifie carrément de décrire aussi les actions des joueurs en plus des personnages, quoi. Mettons, on joue à Seven Seas, tu as vraiment envie de décrire à quel point le personnage il fait une passe d'armes hyper flamboyante, quoi. Tu vas décrire à la place du joueur et à quel moment c'est bien aussi de faire respirer le jeu, de donner du temps de parole un peu à tout le monde et du coup dire bon bah on met un peu la pédale douce sur les descriptions, sur l'ambiance. Donc bon, il y a un moment quand c'est le 50e combat épique que surdécrit par le MJ. les joueuses aussi peut-être peuvent en avoir marre, quoi. C'est possible, hein. Enfin, moi, des fois, je le constate, hein, comme si, comme je suis très, très descriptif, je vois bien des fois que, y a des moments où les joueuses sont dedans, elles kiffent, et puis il y a des moments où ça les saoule parce qu'elles voudraient jouer, en fait. Ah, c'est pas facile de trouver le juste équilibre parce que ouais, Je c'est pense qu'il faut faire des tests, souvent en une fait, question avant. d'adaptation à son volume de joueur. Ouais. Mais c'est vrai que bon, des fois j'ai fait des tests où je me suis dit je suis hyper sec sur le roleplay, sur la description, et puis je me suis trouvé avec des joueurs qui adoraient ça, qui adoraient les descriptions, puis qui ont été déçus, quoi. Donc c'est Ouais, plus dans un cadre quand tu joues en campagne, tu peux voilà, d'une partie sur l'autre, ou même d'une scène sur l'autre, tu peux tester des variations. je sais que j'ai plus souvent envie de m'en, enfin, je m'en veux plus souvent, en tout cas, quand j'ai l'impression de ne pas avoir été assez descriptif que quand j'ai été trop dans on va dire, dans la gestion du système. Mais des fois, il faut poser les questions aux joueuses, quoi. Elles, qu'est-ce qu'elles attendent, quoi, entre guillemets, quoi. Avec le temps, on le sait. Ouais, bah, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, je voulais finir sur le jeu de rôle en ligne avec un exemple que j'ai trouvé vraiment singulier. Bon, je pense qu'il y a des choses à tirer aussi pour le jeu de rôle traditionnel. C'est un jeu en ligne qui s'appelle Primate Joke. Ou Primate Joke. C'est un jeu en ligne qui est animé par un philosophe qui s'appelle Vincent Cespedes, ou Cespède, hein, qui me pardonne si j'écorche son nom. Et en fait, donc pour faire très simple, hein, l'univers, je vais aller très vite, ça se passe dans le futur, et en fait, c'est un futur très, très dystopique. Et on joue des singes cybernétiques qui sont censés être au service du système, sauf que là, ils ont été piratés par les joueurs qui sont en fait les joueurs du présent, quoi. Donc, et en fait, tu pirates un singe cybernétique du futur pour sauver le futur, en fait, en quelque sorte, quoi. Un concept assez déroutant à tout point de vue. Ouais, bah déjà, il y a une mise en abîme qui est rigolote, quoi. C'est sûr que rater des singes. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'incarnes pas vraiment un personnage, tu pirates un personnage, quoi. Depuis le présent, tu pirates un personnage qui est dans le futur. Mais le gameplay va plus loin, en fait. C'est-à-dire qu'il joue en Facebook Live. Donc un live Facebook, en fait, c'est lui qui se filme, en fait. Donc le MJ, il est face à la webcam, donc on voit que lui, en fait. Et donc les joueuses, c'est les personnes qui incarnent un personnage, en fait, elles peuvent juste interagir avec lui par les commentaires du live Facebook. Donc elles n'ont pas accès au canal verbal, quoi. Et donc ça. Et en fait, si tu veux, sur un live Facebook, il peut y avoir jusqu'à 70 personnes en même temps. Et donc, comment ils gèrent ça? Déjà, il y a des personnes qui sont juste spectatrices, elles n'ont pas de personnage. Et sinon, lui, en fait, il fournit 12 personnages qui sont très très simples, en fait, grosso modo. Il dit juste le nom du personnage et le type de singe, quoi. Donc, tu doutes que si tu es un gorille, ou si tu es un orang-outan, ou un singe capucin, tu vas pas avoir les mêmes capacités, quoi. Donc tu sais juste le nom de ton personnage, et puis le type de singe que c'est, donc c'est très très basique. Et puis et en fait, il y a 1 à 4 joueuses affectées au même personnage. Et donc en fait, elles disent, en fait, ce que, et grosso modo, le personnage agit du moment qu'il y a une des joueuses qui a entre guillemets qui a entre guillemets dit une action pour son personnage, quoi. Tu vois un peu comment ça fonctionne? Oui, bah je Alors des fois ça cafouille, parce que si tu veux, en fait, s'il y a 4 joueurs sur le même personnage et qu'elles ne sont pas d'accord, et ben du coup le MJ leur demande de se coordonner, quoi. Et il les fait pas agir tant qu'elles se sont pas mises d'accord sur une action. Bon, des fois sur les 4 joueuses, il n'y en a qu'une qui va écrire, et du coup bon bah c'est bon, hein. c'est Et assez intéressant parce que en fait l'artifice technologique utilisé pour jouer justifié également dans le jeu, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tu t'imagines un petit peu qu'il y a quatre hackers qui se battent pour le même personnage, quoi. Et en fait, du coup, ce qu'elles mettent dans les commentaires, c'est souvent assez basique, hein. L'action du personnage est assez basique. Et du coup, c'est le MJ. Pour le coup, c'est le MJ qui est complètement légitime pour décrire l'action du personnage, quoi. Par exemple, s'il dit, si un singe dit je frappe le garde, bah, le personnage, le MJ va décrire un petit peu tout l'échange de coups, quoi. Je crois qu'il y a un peu de dés, mais c'est très limité au niveau des dés. Et je vais finir en fait sur ce jeu avec un dernier point qui est, je trouvais très rigolo. C'est la notion de tu peux lancer un programme. Ça veut dire quoi? En fait, il amène, il finit sur une action très bac à sable où il y a beaucoup de choses à faire. Et à ce moment-là, en fait, il demande aux joueuses non pas de dire quelle action fait leur personnage, mais de lancer un programme. En fait, grosso modo, c'est juste une attitude. Ça veut dire que tu peux avoir l'attitude de la colère, ou tu peux avoir l'attitude de la joie, ou l'attitude de l'entraide. Et en fait, à partir de ça, une fois que tous les joueuses ont dit quel programme elles mettaient sur leur singe, eh bien le MJ dit comment les singes se comportent et les réactions de l'environnement, tu vois. Donc par exemple, il y a un singe, il va à l'attitude de la colère, donc il va affronter les soldats, tout ça, mais du coup il est blessé, mais heureusement il y a le singe qui avait l'attitude de l'entraide, ben il va le soigner, ainsi de suite, quoi. Et donc, je pense qu'il y a des choses. Déjà, en jeu de rôle traditionnel, c'est tout ce qu'on voit de temps en temps. Quand tu as des joueurs un peu timides ou un peu en retrait, ils se mettent à plusieurs sur un seul personnage. Tu as déjà vu ça? Non. Non, Moi, je l'ai vu plusieurs je... fois. Des fois, c'est juste qu'on a tendance à refuser en disant non, mais ils vont faire du sous-jeu, ils vont faire de la merde. Mais bon, quelque part, ça peut être intéressant de les laisser. Déjà, parce que si c'est leur plaisir, quoi. Ou tu peux dire, bon, bah, c'est un personnage qui est bipolaire. Une fois, j'avais des joueuses qui avaient joué des sœurs siamoises. Mais là, j'avais poussé le vice jusqu'à leur faire quand même créer deux feuilles de personnages. Mais bon, elles avaient quand même qu'un seul perso, quoi. Un siamois. Tu vois le truc, quoi. Bah, c'est quelque part ces deux individus en un, quand même. Et je pense que c'est surtout très récupérable si on joue avec un grand groupe. Dans le sens où, du coup, c'est quand même le MJ qui va prendre en charge beaucoup de la narration, y compris la narration des actes des persos. Et en fait, les joueuses vont juste donner des brefs ordres concernant leur personnage, quoi. Des ordres ou des programmes. J'aime vraiment beaucoup la notion de programme. Pour gérer des grands groupes, ça me paraît très bien, quoi. Si tu ajoutes avec les techniques à l'abattro, du genre, Voilà. faut que toutes les joueuses soient toujours debout. Surtout certains de ces jeux, on va dire récents, bah, Chevalerie et Sodomie par exemple, voilà, normalement c'est prévu pour un groupe de joueurs au-delà de 10, quoi, une douzaine, voilà, qui c'est de l'abattage, quoi. Allez, Ouais, donc ouais. je joue debout. Macadabre Dino reprend le même principe d'ailleurs. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur le jeu de rôle en ligne, toi? Non, moi mon expérience personnelle se limite à Anna Helbeuk sur le jeu rôle en ligne, donc ça reste très traditionnel. On avait joué à Inferenza aussi une fois. Oui, c'est vrai. Ouais. De manière régulière, je fais du Anna Helbeuk en ce moment en tant que joueur. Ok, ouais. C'est pour ça que ça m'a permis de tester un petit peu ça, parce que c'était vraiment un truc que je ne connaissais pas, moi, le jeu de rôle en ligne, parce que c'est ça me. Et ça, et en plus pour le coup, c'est un média qui ramène du monde vers le jeu de rôle sur table, hein. Parce que les gens, tu vois, les jeunes en ce moment, enfin, il y a une époque, les jeunes ils découvraient le JDR par la série audio Nailbuck. Ils se Voilà. mettaient effectivement à jouer après avec Nailbuck. Maintenant, ils découvrent avec Aventure, quoi. Et puis ils commencent et ils se mettent, ils découvrent, alors du coup ils découvrent vraiment par le jeu de rôle en ligne. Ils se mettent sans doute, à mon avis, à jouer en ligne au départ, quoi. Puis après, finalement, Beaucoup, ouais. À savoir que ils vraiment vont venir sur table, quoi. le jeu qui est vraiment très très joué en ligne, le plus joué en ligne en tout cas que je vois, c'est vraiment Naheulbug d'ailleurs. Ben, voilà, il est gratuit, il est connu par beaucoup de monde. pense que ça va être la même chose avec Aventure aussi. Il va y avoir un livre de règles qui va sortir. Justement, faire vivre l'expérience de jouer en ligne, quoi. Donc, voilà. Le rôle en ligne, bah, c'est, voilà, ça permet malgré tout de pouvoir se réunir avec moins de contraintes. Et voilà, au départ, c'était utiliser la technologie pour permettre à des joueurs qui ont eu l'habitude de jouer ensemble autour d'une table de jeu, des joueurs tradis, de pouvoir se réunir de nouveau, alors que pourtant, bah, voilà, une bonne partie, ils ont déménagé, ils ont une autre vie, ils n'ont pas le temps, ils sont pas forcément, pas facile pour eux, on va dire, de se déplacer pour venir chez quelqu'un, pour jouer, etc. Voilà, le jeu de rôle en ligne a permis ça, quoi. C'est déjà énorme. Ouais. Ça amène aussi, ça amène des gameplays différents. J'ai oublié de le dire aussi, mais par exemple, souvent quand on joue en ligne, on joue beaucoup moins méta. Oui, parce que on a quand même des créneaux souvent horaires un peu plus réduits, quoi. Enfin, tu vas pas faire une partie en ligne de 6 heures, quoi. Ça va plutôt être 2-3 heures. Et du coup, beaucoup moins de méta, et ça, après, tu es plus intensif. Et ça, c'est quelque chose que tu peux ramener en jeu de rôle sur table, faire des parties plus ramassées, sans méta. C'est surtout que les outils qui sont proposés, bah, comme tu disais avec Roll20, permettent vraiment de retrouver, si je puis dire, un peu le jeu de rôle, mais avec, on va dire, des possibilités technologiques. Ouais. Encore que moi, je suis un minimaliste. Je suis un peu un minimaliste. J'étais minimaliste sur table. Je suis aussi minimaliste en ligne parce que si tu veux, à chaque fois que j'ai eu des tables où on sortait un board où il y avait la gestion d'une map en ligne avec des fois même quelqu'un qui l'a dessiné en cours de route, tu vois, gestion de jetons, de feuilles de perso. Moi, je trouve que ça ralentit de ouf. Donc, c'est bien fait et ça permet d'en revenir, comment dire, au tout début, quoi. Voilà, avant, le MJ qui traçait sur un morceau de papier un peu. Ouais, mais en fait, à la rigueur, je trouve que sur table, la gestion du matos, ça peut encore aller relativement vite. Et voire même, effectivement, ça fait gagner du temps. Enfin, je veux dire, si tu sors les maps et les figurines, si tu gagnes du temps, tu as peut-être moins obligé de décrire, il y a moins d'incompréhension, tout ça. Mais en ligne, je trouve que l'outil informatique est quand même moins rapide que l'outil analogique, quoi. Hein, donc, disons qu'il demande du temps d'adaptation et maîtriser de la part du MJ surtout par rapport à ce qu'il veut en faire. Ouais, puis souvent préparation, t'as intérêt à bien préparer tes outils en ligne parce que quand tu commences à monter un outil à la volée pendant là c'est bon, quoi. On perd du temps, quoi. C'est pas fait pour, et c'est vraiment pas en plus le but, puisqu'on dit que c'est des séances. Ouais, ouais. Et du coup, toujours pour faire le pont avec le jeu de rôle tradi, il y a le mec de Rollisteam, je suis désolé, j'ai oublié ton nom, aux Utopiales, il faisait des parties de jeux de rôle classiques sur table, mais en fait, il utilisait Rollisteam. Autant pour moi, il utilisait Roll20 en l'occurrence. Il utilisait Roll20 pour toute la gestion du matériel, pour la map, tout ça, ce qui est possible, quoi. Et donc du coup, c'est une pratique hybride qui est super intéressante. On nous a vanté, mais c'est encore pas trop arrivé sur le terrain. Tu vois le jeu de rôle sur tablette, dans le sens où tu vas avoir ta tablette, tu vas avoir tes jetons magnétiques que tu vas mettre dessus, puis tu vas avoir ta map, elle va être gérée sur la tablette, quoi. Bon, ça, pour le moment, je l'ai pas vu arriver sur nos tables, quoi. C'est vraiment le truc de hipster, quoi. C'est l'avenir peut-être du jeu de rôle, je ne sais pas. Moi, pour l'instant, l'ordinateur, ça se limite à montrer des images de PNJ, plus efficace qu'une longue description, et surtout gérer la musique aussi. C'est quand même beaucoup plus pratique. Après, jetons magnétiques plus tablette, en fait, c'est pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis, c'est rien à faire, quoi. Si tu as déjà une tablette, des jetons magnétiques, je pense que ça ne doit pas être compliqué à trouver. Tu fais ton truc interactif super vite, quoi. Comme ça, tu as juste à télécharger des maps. Tu as juste à télécharger des maps, et puis après, On peut les créer facilement tu soi-même. utilises les jetons, voilà, des maps sur le net, on trouve des tonnes, des tonnes et des tonnes. Puis avec tes jetons, bah, tu te déplaces sur la map comme ça, donc plus en imprimé, quoi. Donc maintenant, ils prévoient même dans les modules officiels, ils prévoient des plans en PDF que tu peux utiliser très facilement pour tes parties. Ouais. Écran. Oui, c'est largement possible. Ok, je pense que là on a bien fait le tour du jeu de rôle en ligne, petite parenthèse. Mais bon, Voilà. c'était important de le noter que voilà, bah, c'est quand même voilà, Ouais, c'est incontournable d'en parler comprendre en notre fait. loisir peut s'adapter aux nouvelles technologies et participer, si je puis dire, un peu à son évolution à travers ça, c'est pas mal.